bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Manalus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Bonjour à vous. Bienvenue dans ce quatrième épisode .2 de l'apéro original. Avec moi, Gandalf81 sur Twitter. J'ai... Oui, mais ça c'est toi. Oui, mais je me présente. Ah, tu te présentes avec toi. J'ai moi-même. J'ai à ma droite un jeune homme qui va vous faire un... Il va vous faire un petit dossier, c'est ça? Un petit dossier, oui. Un petit dossier. Donc, Asto81. Oui, c'est la même. @Asto81. Wow, mais c'est super. C'est l'original essai. Magnifique. En face de moi, un invité, parce que oui. En diagonale. En diagonale, ouais. Mais vous êtes tous les deux en face. Oui, mais du coup, techniquement, c'est. Ah oui, c'est vrai. Tu es le plus près de moi-même. Ah oui, c'est vrai. Ah, une grosse coudée, comme dirait l'autre. Donc en diagonale de moi, voilà, pour faire plaisir à mes collaborateurs, podcastistes. Oh. Il n'est pas des collabos, nous. J'ai Wish. Wish, invité prégnant de cette quatrième session d'enregistrement. Parce qu'il en fallait un jour. Bah, oui. Notre première personne en public privé. Ouais, Jazz Club. Ouais. Donc, Muy Famous, Weave, je sais pas quoi. Easy Podcast of the, je sais pas quoi. Indie Projet. Indie Projet, ouais. And en face of me, el hombre que estoy una merveilloso podcastor. J'ai eu peur. Un culador. Non, puntador. El magnifico contador. On fait dans l'international maintenant. Ah bah oui, attends, on peut bien s'élargir. On s'explique. Enfin, dans podcast. Hein, explicite. Donc Azertov. Azertov connu partout pour ses podcasts, pour sa verve, pour son... Ouais, un petit peu. Podcaster muy connu qui fait de l'Instagram, du je suis fait à Paris, qui fait du Periscope, il fait tout. Cet homme fait tout. Ouais, sauf du Periscope. J'en étais sûr. Mais bon, voilà. Donc voilà, nous, on est venu pour ce second épisode. Donc on va voir. Épisode au Segundo, je fais la première fois. Segundo, ouais, tu es mon Gérard Rolls. Nelson Montfort. Nelson Montfort. Moi, j'aurais plus vu le sketch des Chevaliers du Fiel qu'on parle en occitan. C'est ça. Lost El Day. Donc on va voir. Alors je crois qu'on commence par toi, oui, un petit dossier animé, c'est ça? Oui. Ouais. Après on continuera avec Azertov. Avec mon quiz à moi. Ton quiz, voilà, c'est sur le. Non. C'est un quiz ISO 1664. Ah, j'ai hâte de savoir ce que c'est parce que je cherchais ce que c'était, j'ai pas compris. Je comprends pas. C'est donc un quiz pas préparé, je crois. Ouais. Et oui, mais mieux que la dernière fois. C'est ça. Voilà. Je participerai. Oui, j'ai fait les live commands. C'est ça. Il est à côté du saucisson, je pense qu'il est bien. Il est calé, c'est bon. Donc, le saucisson et ma bière. Mais on commence toujours Hein? Ah oui, c'est vrai. Putain, on va l'oublier à chaque fois ça. Putain, merde. On est trop bourré, trop. Non, c'est parce qu'on n'est pas, on est pas bon en présentateur. Ouais, c'est notre première fois. C'est ça. Et donc, pour une fois qu'on a un vrai conducteur en fait. Qu'on rate même pas, en plus on se chie à le faire. On fait ça pour ça. Oui, donc les plus. Ceux qui nous aiment le plus, ou ceux qui veulent nous écouter, qui nous écoutent déjà parce que ils peuvent pas savoir. Ou même ceux qui nous subissent du coup. Voilà. Ceux qui nous subissent, voilà, peuvent nous entendre passer à 18h30, c'est ça ? Ouais. Le vendredi soir sur Pod Radio, dans le channel bêta, parce qu'on est vraiment des gros bêta, donc, par contre, donc vraiment pour nous mettre ailleurs. Donc vous pouvez nous écouter digresser. Ouais, et pour la petite anecdote, c'est juste avant un truc sur la science artificielle, et juste avant, ça va trancher. Ah ! Donc on est bien classé quand même entre. On est une sorte de bonne introduction, quoi. On est des voilà. Bons introducteurs, quoi. Ça, c'est bien. On introduit, ça va trancher après. Hop, hop, hop, hop, hop. Après, c'est qu'il se passe des choses. À Podrenne. Ce qui se passe à Podrenne, reste à Podrenne, hein. C'est pour ça que je viens pas. Donc, entre mes mains, bien évidemment, pas mon. ton goumi, attends, je vais rechercher le. Ah. Vas-y, pas entre tes mains, c'est pas le. Bien évidemment, c'est le décapsuleur du destin, vous le connaissez. Il est là, il est fuchsia. Il est magnifique. Il est tendu. Et je vais le passer à la dernière personne qui a ouvert sa bière, parce qu'il faut quand même lui faire ouvrir en premier. Donc c'est mon ami Asto81. Voici le décapsuleur du destin. Allez-y, c'est pour vous. Alors, pour cette session, j'ai pris une Leafman Fruites on the Rock. Ouh. Une bière aux fruits rouges. Communément à pied, bière de fille. Bon, c'est sexiste. Ouais, c'est sexiste, monsieur. Oui, je vais me faire taper dessus. Vous êtes pour le patriarcat ? Non. Ah, yeah. La première bière a toujours du mal, visiblement. Ouais, c'est toujours la première. Ah non, mais la première fois, ça a toujours du mal, de toute façon. Ah, bah toujours. Du mal à l'anal ou. Après. Et. Hop là. La qualité est. C'est très rouge. Oui, elle doit être on super sucrée. On dirait un sirop de grenadine. Ah ouais. Donc diabète inside. Oh oui, diabète inside, oui. Est-ce que ton taux de glycémie va dépasser 3? Ouh, oui. Je vais mourir d'un cancer du diabète. Ah. C'est drôle parce que c'est faux. Mais... Ah oui, ça sent le fruit rouge. Hein. Oula. Ça sent comme la banane la dernière fois. Et je passe à Azertov. Voilà. Ah. Alors, moi c'est une The White Hag Irish Brewing Company. Imperial Oatmeal Stout. Alors, ce que le Irish est gratuit. C'est-à-dire qu'il est là pour. Non, c'est une bière irlandaise, c'est ça ? Une stout. Une stout bière irlandaise. Mais qu'en veut dire stout toujours ? J'ai toujours pas trouvé. C'est, on t'a dit tout à l'heure, c'était un mélange café. Ah oui, chocolaté. Chocolaté. Tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas dormi beaucoup, c'est ça. Donc, c'est une bière noire. Ah oui, autrement, 10 degrés 2. Ah, tu gardais le meilleur pour le milieu. Alors, Stout est une bière brassée à partir d'un malt caractérisé par sa teneur en grains hautement torréfiés. La présence de ces grains, bien grillés dans la recette, confère sa couleur foncée ainsi qu'un goût de café ou de cacao. Cette bière est devenue une spécialité irlandaise. Son origine première est cependant anglaise par sa filiation avec le porter. La Guinness est la Stout la plus répandue dans le monde. J'ai envie de dire merci, Inspecteur Gadget. Ouais. Elle est tellement noire que j'ai pas l'habitude de pénétrer grand chose, mais même la lumière n'a pas. Ah ouais. Là c'est très. Et du coup, je donne le. Oui, je t'en donne juste. Allez, ah oui, Charlie. Bon, allez, c'est parti. Du coup, c'est aussi une Stout, une bière noire donc. C'est une. C'est la bière noire. La bière noire. Stout, Stout, les rageux. C'est une Apocalypse Now. Bière brune anarchiste. Ah. Alors elle se limite à 8 degrés. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie apparemment celle-là, ouais. Elle se décapsule toute seule. Alors on sent que c'est un jeune podcaster, mais podcaster de qualité très très supérieure. Il décapsule mieux que nous. Ouais. Enfin, que vous. Que moi. Ça passe. Et ça passe. Et ben voilà, c'est une bière noire, elle est noire. Mais c'est raciste. Peut-être un peu moins que ton, ouais, que moins que ton Irish. Ami, que notre ami. Se laisse se pénétrer plus facilement. Ah. Et donc, je vais passer à Gandalf. Voilà. Donc moi, je suis un peu plus courageux. Donc je suis sur une Guinness, déjà, mais pas une Guinness de type, comme on trouve très souvent. Je suis sur une West Indies Porter. Déjà, je suis sur du petit 50 mini, petit 50 centilitres déjà. Tout comme le bus de Wallam. Et un petit 6 degrés. Alors, c'est une stout, j'imagine, qui était très fruitée d'après ce qu'on nous a dit hier. Donc, on va donner notre, notre avis. Donc, ça, c'était le décapsulage du destin. Et c'est une bouteille de gourmand, vu qu'elle fait 50 centilitres. Et qu'elle va jamais passer dans ton verre. Ah, c'est pas possible. Ça rentrera jamais. Ah bah, mais il faut insister. Du coup, j'ai pas donné le verre qui allait avec cette bière-là. C'est mais c'est pas grave. C'était pour la première, celle-là, normalement. Donc, elle est. Mon dieu! Il y a une jolie bulle dans le verre. Ah oui? Ah oui. Bon, je pense que là, même Darvador, il dit citron noir. Non, c'est Batman. Darkness! Superman! Non, là, pour vous dire, c'est noir, voilà. Donc, on va goûter, hein. Et mes chers amis. À vos bières. Mmh. Oui. Putain, je le sens d'ici quand même, la torréfaction. C'est pareil. Ah, mais c'est. Alors, moi, je sais pas vous, c'est très torréfié en second. En second palais, mais en premier palais, c'est très fruité. Comme vous avez dit hier. Mmh. Moi, c'est fruité. L'apocalypse est assez amère, mais. Comme ils n'avaient pas de Big Boy double chili édition. C'est bon, tu l'as placé celle-là. Ouais. Hein. Tu nous la vas, tu nous la vas même à 6 euros la bouteille, chacun je vais être obligé de me laisser tenter. Puis il y a chili dedans, donc obligé. Oh. Eh bien écoutez les amis, on va enchaîner. Hein. Oui. Mais là on est bien, on va enchaîner par. C'est qui déjà? C'est le jeune homme. Alors c'est mon ami Asto 81. Merci Inspecteur Gadget. Après merci Obama, merci Inspecteur Gadget. Putain merci Inspecteur Gadget. Et merci Inspecteur Gadget. Boum, la Duchesse d'Aquitaine. Alors pour mon petit dossier, la dernière fois je vous avais parlé de manga. Cette fois je vais vous parler d'animé. Oh. Animé manga. Alors d'ici que ce soit diffusé, ça sera un peu dans longtemps. Mais bah, je serai en vacances. Dans deux mois. Voilà. Mais je vais vous parler des animés de la saison hiver 2016. Donc ceux qui se terminent au moment où on enregistre ce podcast. Donc qui ont commencé leur diffusion au mois de janvier à peu près. Donc j'ai fait une petite sélection d'animés que j'ai vus pendant cette saison. Je vous inviterai à partager les votes si vous en avez vu aussi. Mais avant ça, je vais vous parler des licences. Les trucs qui ne font pas toujours très très plaisir à tout le monde. Surtout aux gens qui ne veulent pas payer, c'est surtout ça. Les gens qui allaient sur Endless Manga. Ah, c'est très bizarre. Alors, vous connaissez sûrement les trois, je ne connais pas d'autres. Ouais. Licences, enfin, les trois boîtes qui licencient du manga en streaming. Tu veux dire qu'il est pire? Ouais, je ne sais pas comment expliquer ça. Non mais c'est ça, c'est licencié. Voilà, à savoir Webcanim. C'est drôle parce que c'est vrai. Crunchyroll et ADN. Ouais, je crois qu'il y en a une autre, deux, trois d'une de plus, mais pas plus. Voilà, donc les animés dont je vais vous parler sont tous licenciés. Ah, c'est-à-dire que tu veux qu'on use notre argent? Alors, avant de râler... Nous qu'on aime les fansubs. Sachez que ce n'est pas parce qu'un animé est licencié qu'il faut payer pour le regarder. Oh, mais vous montez, monsieur. Vous comment êtes pour le capital fait... Vous êtes pour le grand capital, monsieur. Par exemple... Oh. Chez Wakanim, les épisodes, tout, absolument tout, les épisodes sortis sont gratuits pendant 30 jours. Oh. Alors que sur Youborn, hein. Je dirais rien. Donc c'est gratuit pendant 30 jours à partir de la mise en ligne. Et après, si vous voulez les visionner ou. Enfin voilà. Faut raquer, mais pas trop. Il faut raquer 5 euros par mois. Oh, c'est ça. Je crois que ça vient de changer récemment. Ouais. Avant c'était du pay what you want. Ok, ouais. Avant c'était ils avaient un abonnement qui s'appelait le pass 0 pub qui alors ça allongeait la période de 30 à 45 jours et ça supprimait les pubs pendant les épisodes et tu payais ce que tu voulais. Je mettais 3 euros bien. Sur 2 bien. Sauf que bon je payais par Allopass et qu'à l'Allopass c'était 4,50€ plus prix du SMS plus le prix que tu voulais donner, donc au final tu t'en sortais plus pour... les gendarmes qui venaient te taper final, à la maison. L'Allopass te coûtait plus cher que ce que tu voulais donner à Wakanim. Bravo Levo. Bon maintenant c'est 5 euros par mois je crois. Ensuite Crunchyroll. Chez Crunchyroll c'est le système un peu inversé, c'est à dire que les épisodes sont premium pendant 7 jours. Et au-delà de 7 jours, ils sont gratuits pour tout le monde. D'accord. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est une bonne. Ouais. Une bonne donc on donne la priorité à celui qui paye. Voilà, ouais. C'est logique en même temps. Oui, oui. Alors, c'est plutôt logique. L'abonnement, c'est 4,99€ par mois. Ouais. Pareil. Et un dernier, donc il y a ADN. Alors ADN, c'est un peu plus tordu. Ils ont un catalogue gratuit limité. Un catalogue payant. Et un catalogue payant. Faut faire gaffe aux abonnements ADN. C'est un petit peu plus cher. Ouais. Ça va être. Alors si vous prenez au moins, ça va être de l'ordre de 7€ par mois. Ah bah oui, ça. Bon, c'est pas fou, hein. Donc, si vous prenez l'abonnement pour un an, vous en sortez pour 5€ par mois, du coup. D'accord. Mais je crois que de plus en plus, ils sont en train de modifier leur système pour étendre leur catalogue gratuit, en fait. D'accord. Et arriver sur un truc plus similaire à Crunchyroll. Pour ramener leur chaleur. Pour rapatrier le chaleur. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, arrêtez de... On te jette des miettes parce que on veut vivre le fait sub. Voilà. Quand c'est traduit à l'arrache. Ouais. Allez visiter la journée. Les sites de licence et vous verrez que c'est pas toujours payant. C'est pas si nul que ça. Voilà. Oh, et ils font souvent assez bien le boulot quand même. Oui. Vous mentez. Mon cher Watson. Non, c'était pas ça. Donc. Alors, je vais commencer par trois animés licenciés chez Wakanim, qui sont un peu mon top 3 de cette saison. Est-ce qu'il y a du ecchi ? Non. Suivra du ecchi dans... Je me désolidarise de ce podcast. Alors, sur ces trois-là, non, il n'y a pas vraiment de ecchi, hein, je crois pas. Alors, c'est pas dans l'ordre de comment je les ai préférés, hein, c'est dans l'ordre que je les ai pris. Dans l'ordre que tu as le temps de faire le document. Alors, on va commencer par Grimgar, le monde de cendres et de fantasy. Aka en VO, Aito Gensu no Grimgar. Donc c'est de l'heroic fantasy, action, aventure, drame. Licencié donc chez Wakanim, mais c'était avant un light novel. On suit donc l'histoire de Haruhiro, Haruhito. On sait pas trop, c'est plutôt traduit Haruhiro. Ouais. Qui est un ado, il doit avoir 18-20 ans, hein, un truc comme ça. Qui se retrouve dans un monde inconnu qui s'appelle Grimgar. Il sait pas pourquoi il est là, il sait pas comment il est arrivé là. Et il est pas tout seul à être dans ce cas, ils sont nombreux. Et donc il décide de monter une sorte de compagnie, de groupe, pour partir à l'aventure. Est-ce que c'est une compagnie créole ? Non, ils sont pas créoles. Ah, pardon. Et en fait, ils vont découvrir que leur seul but, c'est d'être enrôlés dans une sorte d'armée. De secte, ouais. pour aller au front et se battre. Mais, ouais. Y a sans absolu... savoir pourquoi. Voilà, y a pas d'autre objectif, en fait. Il n'y a rien d'autre à faire, sinon. Donc, il y a des groupes qui se montent. Et donc, Haruhiro et ses compagnons, en fait, c'est les délaissés, un peu. Les mecs qui sont assez de côté, qui n'ont pas été pris dans notre groupe. Hein. Ils vont monter une compagnie et essayer de réussir l'objectif qui leur permettrait d'acheter leur badge, en gros, de soldat. D'accord. Sauf que c'est un peu des bras cassés. Enfin, des bras cassés. Ou des bras de guignol, au moins chez nous. Ils sont 6, donc il y a Haruhiro qui est un voleur. Ensuite, il y a Renta qui est un chevalier noir. Voilà. Il y a Yume qui est une archère, une chasseuse, chasseresse. Manato qui est un prêtre. Les deux derniers, je sais plus comment ils s'appellent. Il y a un gros bourrin, un guerrier, et une sorcière. Est-ce qu'ils sont autant roulés dessus que quand tu joues à Etrian d'ici ? Alors au début, ils sont au fond. Alors le truc, c'est que quand ils meurent, ils meurent. Ah. Voilà. Dans le jeu ou... On ne sait pas si c'est en jeu. On sait rien. Ouais. On sait pas si c'est un jeu, mais quand il meurt, y a pas de respawn. Voilà. On se tire tout ça, que dalle. Donc ils se font tataner la gueule au début quand même. Ils mettent 3 épisodes à 6 contre 1 pour buter un gobelin, quoi, quand même. Voilà. Faut pas s'attendre à voir beaucoup d'action, en fait, dans cet animé. C'est plutôt lent et on s'attarde vraiment sur les personnages. D'accord. C'est quand même. Un super animé, c'est fait par A1 Picture. Ouais. C'est les mecs qui ont fait Sword Art Online, donc ils s'y connaissent un petit peu en heroic fantasy. Mais la particularité, c'est pas du tout le même style graphique. Là, la particularité, c'est qu'on va être plutôt sur quelque chose. Alors, les personnages sont dessinés de manière classique dans l'animé. Par contre, tout ce qui est arrière-plan, c'est, ouais, c'est un style d'aquarelle. D'accord, oh, oui. Ça, oui, donc c'est un plan qui est fait et après il, voilà, il y a des incrustations, okay, des personnages dessus. Ça m'intéresse. Un peu, c'est, je sais pas si vous avez vu, mais Legend of Korra. Ouais. Ah, c'est les arrière-plans sont tous faits en peinture. C'est super beau. Ouais. Tac, voilà. Voilà. Voilà. On fait du comblage un peu. Ikea, Conforama, Darty. But. Voilà. But. Donc ils mettent beaucoup de temps pour arriver à s'organiser leur groupe, les tâches, un peu tout. Donc voilà, 12 épisodes. Pour la saison, il y aura probablement une suite, je pense, vu. Vu l'engouement. Bah, vu qu'on sait toujours pas trop pourquoi ils sont là, et voilà. Je pensais que tu parlais d'engouement en termes financiers, tout ça. Ah oui, non, en termes angoulême, non, c'est pas le même mot. C'est un des mangas les plus, un des animés les plus populaires de cette saison. Après, c'est un light novel, donc je sais pas si ça va être popularisé plus que ça. Il faudrait qu'il y ait une adaptation manga, en fait. Ouais, du coup, il y a l'histoire est finie dans le novel. Probablement. Ouais. Après, ça veut aussi dire que c'est peut-être long. Comme histoire, en plus, c'est de l'Heroic Fantasy, donc il y a moyen que ça tire. Oh, bah l'Heroic Fantasy. Est-ce que ça va faire comme Berserk? Il va y avoir un nouvel animé, je crois, de Berserk. Oui, oui. Ouais. Ensuite, on va passer au deuxième. Hop. Deuxième animé qui est probablement mon préféré de la saison, à savoir Boku Dakega Inaimashi. Qu'on connaît chez nous sous le nom de Erased. Ouais. Ou Erased. Erased. Qui est récompensé et multi-récompensé, si malheureusement, non, oui, il y a des chances. C'est fini à 8 tomes. Hein. Je sais pas si le 8 n'est pas encore sorti en France. Non. Ça va pas tarder. Ils sont à 6 ou 7 en France. Ouais, ça va pas tarder. Et c'est fini en 8 tomes. Donc, Erased. Enlève. Hop, alors, 2006, donc on suit l'histoire de Satoru, je sais plus comment c'est son nom de famille, Satoru Fujinama. De Satoru Iwata. Satoru Fujinama, aucun qui est aspirant mangaka raté dans la carrière des Colpa, qui est livreur de pizza pour arrondir ses fins de mois, enfin pour survivre. Survivre, c'est jamais grand mot. Qui a un don particulier. Lorsqu'une catastrophe, un drame est sur le point de se passer, il remonte quelques minutes en arrière, ouais, pour il peut empêcher, empêcher que ça arrive. C'est un peu le journal de demain à la une, mais pour pareil. Voilà. Mais sur deux minutes. Voilà. Et en japonais. C'est quand il sait qu'il va jouir, il peut revenir deux minutes avant pour se concentrer. Mais arrête Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Là, c'est bon. Ouais, voilà. Il peut faire genre, il nique le game. Et du coup, en fait, son pouvoir va s'affoler suite à un drame qui va extrêmement le bouleverser. Et il va pas remonter quelques minutes en arrière, il va remonter plusieurs années en arrière, pas loin de 20 ans en arrière. Ah ouais. Et il se retrouve, il est au CM2. Et il a pas pris un livre avec les résultats sportifs? Non. Ça l'aura arrangé. Et donc du coup, quand il remonte dans le temps, il se rappelle du coup des événements. Il revient, en fait, c'est comme si il revenait à ce moment-là, avec toutes les mêmes circonstances. C'est ça. C'est exactement ça. Je crois au début, pour illustrer son pouvoir, il est sur son scooter en train de livrer, et en fait, il revient en arrière quelques secondes avant. Et il voit qu'il y a un petit garçon qui est sur le point de traverser, il se doute que c'est lui qui va crever parce que. Il a pas vu le drame, en fait. Le drame était sur le point d'arriver, mais il a pas vu, il est revenu en arrière. Et donc, en fait, en jetant un coup d'œil très rapidement, il se rend compte que le camion qu'il est en train de croiser, le mec est endormi au volant et qu'il est en train de partir en vrille. Ouais. Voilà. Et donc, il va arriver à le sauver, tout ça, tout ça. Ok, d'accord. Et donc, là, il va se produire un drame qui va vraiment le bouleverser très, très profondément. Et donc, il se retrouve tout petit. Et en fait, c'est une période de sa vie qu'il avait un peu oubliée, qu'il avait un peu effacée de sa mémoire, justement, parce que c'est une période assez trouble où, quand il était gamin, il y a eu des gens qui ont disparu, des gens qui ont été tués ou violés, on ne sait pas trop. Il s'est passé des trucs, quoi. Voilà, il s'est passé des choses qu'il avait un peu oubliées, et tout ça remonte un peu à la surface, et il va profiter du fait d'être revenu dans ce passé-là pour empêcher que tout ça arrive, parce que a priori il y a un lien entre le drame qui l'a ramené là et le fait à chaque fois du coup ça veut dire que enfin je suppose, mais c'est quand il remonte de quelques secondes, c'est parce qu'il remonte au moment où il peut changer quelque chose. Ouais, a priori ouais. D'accord, okay. Leclerc il remonte de mètre. Donc du coup c'est logique que si il veut empêcher cette catastrophe, il remonte. Il remonte très très loin en arrière, mais du coup il s'y attendait pas forcément. Mmh. Oui. Et donc il va essayer de sauver la petite Inazuki, qui était une petite fille assez isolée et qui a une vie un peu difficile, et donc qui avait disparu dans des circonstances un peu floues, et qui avait été suivie par deux ou trois autres petites filles. Oh, les petites filles qui disparaissent. Donc c'est du thriller, c'est du drame un peu psychologique, quelque chose un peu surnaturel. Maintenant que la saison est finie, vous pouvez le regarder sans vous mordre les doigts à la fin de chaque épisode, parce qu'il y a des putains de cliffhangers à chaque fois à la fin. Tu m'étonnes. Oui, j'ai levé les bras en fait. C'est pas très visuel. Allez, c'est pas très visuel à l'audio, mais. On peut. Ce que je reprocherais, c'est un peu le chara-design des personnages féminins, de certains personnages féminins. T'as l'impression qu'elles ont des bouches énormes. Ouais. Des bouches à pipe. Des bouches énormes. Notamment la mère de Satoru. Enfin, oh, à force, tu t'y fais un petit peu. Ce mais ça, c'est la variété. Mais dans les premiers épisodes, je me suis dit, mais pourquoi il a dessiné la bouche comme ça, comme la bouche, elle fait la moitié du visage. Mais c'est moche. Mais du coup, c'est un petit peu dérangeant par rapport au niveau de proportion en fait. Au début, ouais, c'est dérangeant. Après, tu t'y fais un peu. Une petite gorge de bière. À noter également l'opening. De Erased par Asian Kung Fu Generation. Je ne peux que plus soigner. Je l'ai vu en concert donc. La musique Riri ou Re-Re. C'est R-E-R-E. D'ailleurs, je peux tellement plus soigner sur les Asian Kung Fu Generation que j'en avais parlé dans un Quoi qui se passe où j'étais allé à Paris. Ouais, exact. Le numéro 2 alors. Putain, il se rappelle et tout hein. C'est un petit peu chiant, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup, t'étais à Paris en fait. Où j'étais chez ALS. Quoi? Ah non, ça s'est pas arrivé encore. Des choses entre podcasteurs. C'est drôle parce que c'est drôle. Donc voilà, Erased, donc licencié chez Kokanim, manga chez Kiun. Oui, très bon manga. En combien de tomes le manga? 8. 8. Bientôt fini. Alors, dernier animé licencié chez Wakanim, et qui est également un manga licencié chez Kiun. C'est très bizarre. C'est Dimension W. Ah, Dimension W. Là, je suis en train de balancer de l'argent. Des bifetons. Ouais. Ouais. Donc, ça, de l'action, action science-fiction, ouais. Du shonen, oui. Un peu. Mais du shonen pas comme les autres, moi je trouve. Oui, fin de l'animation. Je crois que je vais avoir le premier tome. Ouais, moi c'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait. Ouais, chouette. Alors, le pitch de Dimension W. 2072, l'humanité a enfin trouvé la solution à tous les problèmes d'approvisionnement en énergie. La pupille. Les coils. Hein. Des bobines électromagnétiques qui fournissent des ressources inépuisables. Elles ont relégué les batteries et les câbles au rang d'antiquité. Alors, on suit l'histoire. Même l'iPhone ? Mabuchi Kyom. Ah ben, l'iPhone, il est alimenté par un coil. C'est alimenté par des cons, autant te dire. Et que... Non, l'énergie à revendre. Ils ont pas fini de tourner. C'est drôle parce que c'est français. On suit donc l'histoire de Mabuchi Kyom, qui a un peu tourné le dos à toute cette évolution technologique. C'est un altermonde. Ouais, c'est le dernier mec à rouler avec une voiture qui roule au pétrole. Ah, c'est un altermonde. Mais du coup, il a des super belles bagnoles. Il a des bonnes voitures. Amoureux des bonnes vieilles voitures à essence, voilà, il préfère passer son temps à bricoler ses bolides. Pour gagner sa vie, ce chasseur de primes d'un genre nouveau s'est spécialisé dans la récupération des cols illégaux, qui s'appellent des récupérateurs, ce genre de personnes, qui détournent leur usage de base, pouvant se transformer en armes redoutables. Alors qu'il enquête sur des petites affaires de frappe de bas quartier, ouais, son chemin croise celui de Mira, une mystérieuse prisonnière dont le destin semble intimement lié aux coils. À ses côtés, Kiyoma va vite découvrir que cette technologie miraculeuse pourrait bien conduire l'humanité à sa perte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dimension W? Alors, c'est du shonen, mais c'est pas du shonen comme on en a l'habitude de voir. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était quand même... C'était un petit peu plus intelligent. Enfin, mieux... C'est mieux tourné, en tout cas. Ouais. c'est différent. Les personnages sont vachement attachants, même Mabuchi, parce que Mabuchi c'est quand même un peu le mec un peu rustre. Voilà, qui il est vraiment, c'est le mec anti-coil, alors que Mira, la fille qu'il rencontre et qui il va faire une équipe en fait, c'est un robot. Ouais, comme ça, ouais. Elle est totalement, elle a été créée artificiellement, même si d'apparence elle est extrêmement humaine. Ouais. Oui, c'est un robot d'apparence humaine en fait. Ouais, c'est complètement un androïde. Donc on peut faire l'amour au robot. D'ailleurs, il l'appelle tout le temps Tas de Ferraille quoi. Il l'appelle jamais par son prénom. Et pourtant, voilà, c'est vraiment le robot le plus humain qui a jamais été créé. Elle est capable de pleurer, enfin vraiment. Ouais, donc c'est mieux que Astro quoi. Ouais. Astro le petit robot. Des sensations et des sentiments très proches de ceux de lui-même. Donc ils vont en fait enquêter, récupérer des coils. Des coins. Ouais, donc. Est-ce qu'il faut de la poitre avec les coins? De la pâte de coin. La pâte de coin. Wow, Kong. Trop de blagues. Ils vont croiser surtout à la route de mec qui s'appelle Loser. Parce que c'est un mec qui fait des espèces de braquages. Il annonce tout le temps, oui, je vais braquer tel truc, tel musée, tel truc. Et en fait, il se rate tout le temps. Et il vient vraiment du loser bracket. C'est ça, c'est le loser bracket. En fait, il se loupe tout le temps. Mais pas vraiment. Parce qu'en fait, son but à Loser, c'est jamais de piquer une œuvre d'art ou quoi, mais c'est de piquer le coil qui était caché dans cette œuvre d'art. Ah d'accord, il nique le monde. Voilà, lui, en fait, il cherche des coils qui s'appellent des numbers. Donc c'est des coils spéciaux qui sont numérotés et qui ont une histoire, parce que c'est des coils qui ont été créés il y a longtemps et qui ont un fonctionnement différent de ceux de maintenant. Et avec ces coils, on peut faire des trucs... spéciaux, enfin toute l'histoire tourne autour des numbers, donc ça je vous laisserai découvrir. Donc Mabuchi, lui qui n'utilise pas de coil, bah, il se bat pas avec des armes à feu ou bois, il se bat avec des espèces de pointes. Hein. Il y avait du kunai, des pic-pic. Des sortes de kunai, mais pas vraiment des kunai. Les kunai c'est plutôt des flèches. Quoi, là c'est vraiment des aiguilles en fait, si tu veux. C'est des gros clous, des clous à rails. Ouais, c'est des gros clous. Des gros, gros clous. Et il défonce tout le monde avec ça, forcément. Voilà. Vu que ça n'utilise pas de coil en plus, c'est les autres ils comprennent pas. Les autres ils sont. Oh, c'est free quoi. On comprend pas. Et il en a avec des fils, du coup il balance ses trucs, il les plante dans le pied du mec, il tire le fil et le mec il se. Ah oui, j'ai le manga à la maison. Il se pète la gueule. Donc c'est assez stylé et assez sympa. Quoi dire d'autre? L'opening de Dimension W par un groupe qui s'appelle du Genesis, comme ça, ou alors c'est le titre de la chanson qui s'appelle Genesis, je ne sais plus. Avec Phil Collins. Ouais. très bien, ultra ultra dynamique, qui te met un peu dans l'ambiance du truc quoi. Tu es ambiancé. T'es ambiancé, t'es saucé. Des saucés. Sauce blanche, samouraï. T'es saucé par le manga quand. Sur place ou emporté. Quand tu vois l'opening. Voilà pour les licences. Voilà. Bacanim. Alors on va passer à celui-là. Hop. Un animé licencié chez Crunchyroll. Crunchyroll. Celui-là il est un petit peu éthique. Ah, un peu de boobies, un peu de peine dessus. Voilà tout ce qu'on attendait. Voilà. Tout le monde se réveille. Mais quand je vais vous dire le titre, vous allez dire ah ben oui, parce que vous avez déjà vu une séquence. C'est Museigen no Phantom World ou les Myriad Color Phantom World. C'est quelque chose. Vous avez sûrement vu la séquence de l'épisode 1 avec le limbo. Ah mais oui. En fait, tu vois, la gosesse, elle a plus de tours de poitrine que de tours de taille. C'est assez dérangeant. D'accord. En fait, tu vois, c'est Platini, mais avec les ballons sur lui. Voilà, tu as très bien résumé. Je vois l'image. Donc, il y a une fille qui a une poitrine très très conséquente. Et donc, il y a une séquence. C'est gentil quand tu dis ça. Elle manque pas d'air, c'est ça? Elle manque pas d'air du tout. Ah, c'est la grosse ruche. Dans l'épisode 1, il se retrouve à faire du limbo. Ah, direct dans le 1. Ouais. Ah oui, c'est dans l'épisode 1 qui se passe ça. Ça le limbo, c'est le fait de passer sous une barre, mais sans se mettre. Sans la toucher en passant en dessous. Voilà, en se penchant en arrière. Et sauf que elle, eh ben, peut pas passer parce qu'elle a les seins qui sont trop hauts. Tu vois, les pomelos à côté, c'est petit. Et du coup, elle ondule le corps pour faire ballotter ses seins et passer sous la barre au moment où ses seins sont en bas, tu vois. Sous plus bas, ouais. Voilà, donc t'as des gifs, des petites vidéos YouTube très très bien faites. Très explicite. Sinon, alors Myriad Color Phantom World, Museum of Phantom World, donc c'est du fantastique surnaturel. Petit. En fait, laisser comme des camions. Il en faut quoi. Le pitch. Alors, dans un monde né de l'imagination humaine, commence à apparaître des fantômes. Avec c'est écrit PH, fantômes. Les fantômes à l'anglais. Ouais, des fantômes. Comme la voiture, comme la. Ouais. Comme la Rolls Royce. Alors, ceux-ci sont notamment affrontés par. OSEA, donc OSEA, ou OSEA, c'est une académie en fait. Okay. C'est là que viennent les gens. Les gros boobs. Ouais, la fille avec les gros boobs notamment. Le lieu où Haruhiko, donc pas Haruhiro de tout à l'heure, Ichijo étudie, donc c'est le héros. Il se bat avec d'autres élèves de l'établissement. Izumi Reina, donc elle c'est Kirby. Elle aspire. Non! elle avale tout. C'était bien, ça pouvait pas être des gens comme ça. Mais elle, tu l'amènes au buffet à volonté, elle te défonce le buffet du coup. Ouais, mais bon, à un moment donné. Mais pas que la bouffe, hein, le buffet en entier. Ouais, mais à un moment donné, tu vois, faut savoir sacrifier certaines choses pour en avoir d'autres, tu vois. Un peu comme Full Metal Alchemist, tu vois. Donc, si on veut l'échange équivalent. Voilà, l'échange très très équivalent. Ensuite, il y a dans son équipe, il y a Mai. Kawakami, donc c'est Miss Boobs. Mais vraiment Boobs! Voilà. Et Koito Minase qui. Alors elle, pour se battre, elle chante. Ah, c'est, okay. C'est un peu jubilé. Voilà. Non, Dazzler. Jubilé, aujourd'hui. Ah oui, c'est Dazzler, oui. Enfin, elle fait des sons, elle fait ah! Ouais. Et voilà, le fantôme il crame. Ah, ok. C'est les Ghostbusters, mais. De la voix. Voilà. C'est The Voice. C'est les The Voice du Ghostbusters. What? De SOS Phantom. On leur a levé l'autotune et. Ah! Donc, bah voilà, chaque épisode, il va y avoir un fantôme qui va apparaître et à chaque épisode, voilà, ils vont le battre. C'est un peu du one shot en fait. Chaque épisode, est-ce que le fantôme a de la douleur? Est-ce que le fantôme paye? Il n'y a pas vraiment d'histoire de suivi. Non. Oui, c'est un peu le Freak of the Week en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Juste sur les premiers épisodes. Sur le tout début de la saison, parce qu'au début, du coup, il n'y a que le mec et Miss Boobs. Donc il faut le temps qu'à faire, faut qu'il reste là. Mais... Il faut le temps qu'il recrute les deux autres, quoi. Donc ça prend 4 épisodes. Ouh, on peut péter. Bah, partout de Nibar. Ça prend beaucoup de temps. Quoi. Avec eux, ils ont également Lulu. Alors, il faut que je... Ah, Lulu, c'est le personnage de merde qui fait. Lulu, c'est une petite fantôme grande comme ça. Et qui fait des bruits bizarres. Non. Elle fait chier le héros en fait. Elle est avec lui tout le temps. Il sait pas pourquoi. Mais elle squatte chez lui, elle squatte sa vie. D'accord. Même quand il se. Sous la couette. Ouais. Je vais essayer de retrouver son nom complet qui est imprononçable. Ah. Toi aussi, mets des voyelles avec des voyelles et des consonnes avec des consonnes. Mais qui sont pas prononçables en même temps. Ouais. Non mais c'est genre lulu. Ah, un peu comme bobo. Qui est hyper beau. Non mais qui est chouette. Bon, même si le chara design c'est très japonais. Ouais, mais c'est dans bobo. Ouais, je sais pas combien il y a de beau. C'est trop japonais en fait, c'est l'humour trop japonais. C'est ça. On va pas comprendre, on n'est pas. Non, on nique pas le game. Il y a un peu c'est qui mon voisin de classe aussi où tu comprends pas toujours les références. Ouais. On n'est pas le game. Ouais. On n'a pas les refs. Bon, j'arrive pas à trouver son nom complet. Enfin Lulu quoi. Ouais, Lulu, c'est Lulu. Dans le cul Lulu. Oh. Dans le cul du monde parce qu'elle est grande comme ça. Donc... Oh bah c'était une petite tribute. Mais bon c'est vrai qu'à largeur quand même, elle va douiller quand même. C'est... Alors on va demander ça au recordman du plus petit pénis qui se passait le 3 et 4 octobre en Amérique. Ah, c'était pour ça. Non, c'était en même temps que Podren. Ah oui, c'est vrai. C'est Tom, c'est tout. C'était à Rennes. C'était pas à Rennes, justement. Ah. J'étais pas là, de toute façon. Un jour, j'irai à Podren avec toi. Un jour j'irai à Podren avec toi. Tous les mini-podcastés. Non. Donc Lulu qui est elle aussi un fantôme, mais un gentil fantôme. Et ça te fait rire. De là, j'irais faire une virée à deux. Tous les deux sur les chemins. T'es la mafia, il représente. Salut Phil. Dans ton automobile. À chaque épisode aussi, ton podcaster, c'est formidable, mais différent. C'est pour ça que c'est bien. Bon, c'est improbable. En même temps, c'est... Donc bref, en gros, ils se bagarrent. Ouais, voilà, ils se bagarrent contre des fantômes, plus ou moins gentils. Fort. Fort. Ouais. Mais est-ce qu'il faut pas croiser les effluves? Ah, il n'y a pas d'effluves seulement. Non, alors, je vais vous expliquer un peu les pouvoirs. Donc, je vous ai dit, il y en a une qui avale tout. dit comme ça, c'est prometteur. Et une qui chante. Ouais. Donc, May, la Miss Boobs, elle se bat avec les poings. Mais en fait, elle utilise. Pas avec les boobs. Mais un peu aussi. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, elle utilise les éléments pour se battre. Les aliments. Est-ce qu'elle utilise le cinquième élément? Est-ce que c'est utilise... par jour. Les loups multipass. Donc, à chaque fois, ils ont une espèce d'incantation à chaque fois pour leur pouvoir, patati patate. Genre la fille qui chante, un truc ça dure 2 minutes. Ouais, une chanson quoi. Ouais, non, c'est. Je sais plus qu'est-ce qu'elle dit. Par le pouvoir de la lune. Par le pouvoir du sceptre ancestral. Non, du crâne. Du crâne. Il y a que celle qui avale tout, elle fait juste. Et voilà. Ah, ils ont pas envie de se faire chier. En même temps, quand tu sais que ça vient, et des fois, faut se presser quoi. T'as pas le temps de réagir quoi sinon. Elle a pas d'incantation, mais elle se fait pas chier. Alors. Donc ouais, Mai, elle se bat avec les poings et les pieds, mais elle utilise des éléments. Par exemple, elle va faire des poings d'eau si l'ennemi est de... Est-ce qu'elle fait des sauts d'eau? Et donc, par exemple, pour utiliser l'élément de l'eau dans son incantation, elle va se frotter les reins. D'accord. Ah, on peut les aider ou Et des fois, je crois que c'est dans l'épisode 1, je crois qu'elle le refait pas. Tu ou dans l'épisode 2, elle se frotte les seins, mais je sais plus pour quel élément. Ouais, d'accord. Puis c'est pour le feu ou l'air. Ah mais tu sais, c'est le feu, parce que le type il doit pas être bien après. Mais tu dis, ouais, il fait chaud. Il se frotte les seins, c'est bizarre. C'est la chose question que tu t'es posée. Bah oui, c'est logique. Et donc le mec là, Haruhiko, lui, il dessine. D'accord. Donc il dessine le méchant et après il le scelle dans son dessin. Mais faut qu'il ait le temps de décider, tu vois. Ah, c'est un peu comme le truc chez Ankama là. Un peu pareil. Tu sais le truc de avec Guillaume Lapeyre et City Hall, voilà. Il dessine et ça fait des trucs. Ah oui, il dessine et ça prend vie. Ouais. Oui, lui aussi. Sauf que lui, ça dessine et ça prend mort. Après, il dessine et ça prend vie. Il dessine un chien des enfers et il y a un petit toutou grand comme ça avec des petites ailes d'ange qui arrive. Après, il dessine Cthulhu. C'est une espèce de poule géante. Cthulhu. Non, le grand ancien. Et donc voilà. Donc pendant que Miss Boobs se bat, l'autre il dessine le méchant et puis il le scelle dans le dessin. Et c'est pour ça qu'il met du temps peut-être. Voilà. Et après ils ont aussi une cinquième fille avec eux, mais elle est au CP. Elle est au CP. On avait dit pas les enfants. Elle est au CP, ouais. D'accord. On avait dit pas les enfants. J'ai bien compris quoi. Elle est en CP. Et elle se bat avec un nounours en peluche qui s'appelle Albrey. Le nounours qui devient géant, je parie, il tape les autres. Exactement. Ah, j'en étais sûr. Je m'en doutais. Parce que ça arrive souvent ça. Elle balance le nounours et. Elle a des couettes, elle met des couettes vers l'avant, c'est très bizarre, hein. C'est très moche comme coiffure. Tu dis que le matin, elle a vraiment dormi. Pourtant, moi. La tête comme ça, quoi. C'est drôle parce que c'est drôle. Et donc voilà, c'est très sympa. Ça fait passer le temps. Bah, le limo déjà. Voilà, le l'opening est Eurodance. Oh, mais ça rajoute plus 8000 en charisme. L'opening Eurodance avec. Un plan cul sur une fille, un plan boum sur l'autre, un plan cul sur une fille, un plan boum sur l'autre. Est-ce qu'on y aura droit à Coucou Circus? Ça fait rien. Non, ça c'est SNCF. SNCF qui a été repris par David Gilmour qui en a fait une chanson quand même. Ouais. C'est vrai. Pa. Hop, et maintenant on va passer aux licences ADN. Alors ADN pour Anime Digital Network. Avec le doigt. Putain, mais les gens ils aiment pas les rapports du co-génitaux avec les doigts par contre. Alors on va commencer par celui-ci, hop, à savoir Prince of Stride Alternative. Un animé de sport du Air Gear sans roller. Ah, ok. Ils ont des overboards. Non, à pied. Donc parcours en fait. C'est de la course de relais mélangée avec du parcours. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont des gros bateaux de relais? Ah non, c'est le hentai, pardon. Donc le stride est un sport extrême qui implique des équipes de 6 personnes qui s'affrontent dans des courses de relais à travers des rues de plusieurs villes. Un club consacré à ce sport existe à l'académie de Honan. Mais il est sur le point de fermer pour cause d'inactivité. Takeru et Nana sont deux lycéens qui font du stride et qui vont tenter de recruter des nouveaux membres dans le club de l'académie de Honan afin de participer à des compétitions et éviter sa fermeture. Ah, ils demanderont d'abord à Riku Yagami de les rejoindre, mais il n'est pas du tout intéressé par le stride. Coucou Riku! Lui, il est intéressé par le sport, tous les sports. Il va au club de basket, il Mais machin, tout. Ah, c'est un coquin quoi. Et donc voilà, donc manga sur le sport, sur le stride, où le seul défaut c'est qu'il n'y a que des garçons. À part Nana, qui est la seule fille, mais elle ne court pas. Ah, est-ce qu'elle est gaulée? Ça va, mais. Sans plus. Voilà, ça va. T'en mangerais, mais. Ça va. Elle est, je sais pas comment il s'appelle ça, coordinateur ou relationers en anglais quoi. En gros, les relations quoi. Ouais, en gros, c'est elle qui dit le top départ pour dire au deuxième de partir. Quand je sais qu'elle prenait les garçons en main et faisait le lien quoi. En main. Bah, avec finition. En main. Bah, finition, c'est toujours mieux. Même s'il y a un mec qui ressemble à une fille, de très très loin, enfin de très très près aussi, il ressemble à une fille, mais c'est un mec. Mais il y a toujours un androgyne dans les films, dans les trucs. Voilà, il n'y en a pas qu'un, il y a un androgyne dans toutes les équipes. Putain, mais il y en a pas mal. Dans toutes les équipes de stride, il y a un androgyne, c'est très très bizarre. À croire que ça fait partie des règles. C'est comme ça. C'est dans le cahier des charges. Ouais, c'est ça. Cahier des charges, le truc. Bon, des charges. Ça peut être un peu dérangeant, les histoires d'amitié. De bromance. Ouais, un peu de bromance, tout ça, tout ça. Mais au final, le manga se consacre quand même une bonne partie à chaque épisode sur une course. Et les courses sont super bien animées, c'est super dynamique. Donc, est-ce que les courses durent 150 ans et est-ce que la Terre est ronde? Non, la Terre est ovale. Non, les courses ne durent jamais plus de 10 minutes quoi. Ah, ça, c'est pas un truc à la Dragon Ball Z. Non. Est-ce qu'ils ont des flashbacks pendant qu'ils courent? Oui. Ah, dans le dernier épisode. Oh, ah mais c'est... ça ils ont tenu la fin. C'est que dans le dernier épisode. Mais ça va être la course la plus longue et fait la moitié de l'épisode. C'est bon, mais c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, ça fait un demi-épisode. Du coup, c'est quand même assez sympa, assez dynamique, très joli. C'est bien animé. C'est bien animé, c'est joliment dessiné. Les personnages sont sympathiques. Il y en a un qui est un peu chiant, qui est un peu relou des fois, mais ça va. Un peu relu. Voilà. Il est où le relu ? Il en faut toujours un. Ouais. Il est où le relu ? Il est où le relou ? Et les renards ? Et les renards. Et le relou. C'est le renard, c'est fait enculer par les loups. C'est pas un relou. J'ai bavé. Mais tu es invité, on t'excusera plein de choses. Déjà, tu viens, tu nous supportes, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà beau. Attends, au 4ème épisode, vous en avez 4, bientôt 5ème, 5. Mais qui sera la 5ème personne ? On ne sait pas. Oh, pas de quelqu'un dans la rue, viens. Il y aura à boire. Ah, d'accord. Viens, on a des bières, des cacahuètes. Viens voir comment on est bien. Des bières et des chips. Ouais. Hop. Et du candy hop à la fraise. Juste pour cette fois. Peut-être tu nous le vends. Non, mais c'est le dernier. Ouais. Puis une jambe entamée. Et puis une jambe entamée. Dernier quoi? Candy hop. Ah. Et donc, je vais passer au dernier animé parce que quand même, il faut pas trop abuser. Hein. Ça fait combien de temps qu'on y est dessus? Wow, ça fait 48 minutes. Ah oui, c'est vrai, je pensais pas que ça durerait si longtemps. C'est un petit épisode qui va être costaud quoi. À savoir Dagashi Kachi. À tes souhaits. Merci. Ça fait des gachapon? C'est avec des bonbons. Ah, c'est un manga sur les bonbons. Les bonbons. Est-ce qu'il faut se faire lécher le bonbon? Les bonbons, c'est bon. Comme dirait Georges Abitbol, j'ai les bonbons. Bon qui colle au papier. Donc un manga, c'est de la comédie, tranche de vie, sur les bonbons. Tranche de vie. Voilà, en gros, tu suis l'histoire d'un garçon qui s'appelle Coconutsu, en fait, mais tout le monde s'appelle Coconuts. Est-ce que my eyes is my coconut? Et donc, en fait, ce garçon, ado, 18-20 ans, enfin, tu sais, dans les animés, tu sais jamais quel âge je leur connais, il veut devenir mangaka, donc il dessine pas mal et tout. Et son père, il tient une boutique de bonbons. Une confiserie. Une confiserie, exactement, dans la campagne. Ah, la campagne. Donc son père, il voudrait bien qu'il reprenne quand même la confiserie plutôt que de devenir mangaka. Bah, faut pas déconner, quoi. Et puis, les mangaka, ils meurent à 45 ans parce qu'ils sont trop fatigués, alors faut pas déconner, quoi. C'est ça. Un beau jour, t'as une jolie fille du nom de Hattoru qui arrive et qui débarque. Et qui a mal au slip. Et qui dit... Ah oui, il a un peu mal au slip, oui. Et qui dit à son père, bonjour, je viens vous recruter pour ma méga société de bonbons. C'est Haribo qui débarque et il dit, c'est bon la vie. Et donc le père dit, je vous suis, à condition que vous arriviez à convaincre mon fils de reprendre la confiserie à ma place. Une pipe et... une pipe et ça repart, non, c'est pas le même... Et donc voilà, à partir de là, tous les épisodes, ça va être constant. Ça va être... en fait, par demi-épisode, ils vont te parler d'un bonbon. Et un bonbon japonais, trois quarts sont... Voilà. Haricots rouges, je parie. Oui, il y en a. Et voilà. Il y en a. Et donc, en fait, la fille est complètement folle, elle est vraiment déjantée et tout. Elle va t'expliquer la manière, la manière dont il faut manger le bonbon, la manière dont il est fabriqué, la manière dont il faut le sortir du paquet. Enfin, c'est vraiment, c'est poussé très très loin. Ah, faut sortir le bonbon. Hein. C'est ultra déjanté, complètement à l'ouest, mais. J'ai pas pu parler. C'est de la très très bonne comédie, c'est ultra sympa. Mmh. Et voilà. Ça fait passer le temps aussi. Ça fait passer le temps. D'ailleurs, on est à beaucoup de temps. Voilà. Cet voilà, épisode voilà. Dure trop longtemps. Le sang des bistons. Donc, je vais pas aller plus loin. D'autres trucs. Mais ça fait des... Il y en a marre des épisodes qui durent trop longtemps. Moi, je dis qu'il y en a marre. Mais en tout cas, ce petit. Je dis stop. Je dis stop, stop. Voilà, quoi? Si vous avez quoi, des animés que vous avez vus pendant cette saison, aucun. Bon, je crois que le dernier animé que j'ai regardé c'était Kids on the Slope, alors pour te dire que c'est vieux. Et si, Space Dandy. Parce que tout ça c'est Watanabe Shinichiru. Sinon je rate pas en fait. S'il n'y a pas lui, je rate pas déjà. Parce que... J'en suis à regarder Kill la Kill qui est sorti il y a 3 ans, je crois. Donc, Ah bravo! Bien joué, j'ai pas vu. Bravo du coup. Non, moi je crois que je suis un grand combat. La quelle version? Les premiers, avec l'homme de verre. Heureusement, je suis plus à jour dans mes bouquins, mais les animés, c'est pas ça. Ah non, mais moi, les mangas, c'est même pire, alors je suis pas pour parler. Non, parlons pas. Je vais juste balancer 4 noms d'animés que je vais suivre pour la saison printemps. Ah. Qu'on verra ce que ça donne. Donc forcément, beaucoup de Hero Academia, ou My Hero Academia. Oui, oui. J'applaudis. Qui va plus commencer fort. Aussi en bouquin. Oui. Voilà. Twin Star Exorcist, qui a l'air très sympa en animé. Rizero Kara I Agimeru Isekai Seikatsu. À tes souhaits. Seikatsu. Et le dernier qui s'appelle Unhappy ou Unhappy, en fait c'est un jeu de mots. Unhappy ou Unhappy. Mais Anne, c'est le gâteau là. Anne Solo. Anne, comme le prénom. Unhappy. Parce que c'était Anne le gâteau. C'est un jeu de mots. Unhappy, Unhappy. Looking unhappy in the morning with you. Ça parle de quoi? Il est pas content. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, on a fait péter le record de tempo, je pense. Et le pire, c'est qu'on n'a pas dit grand chose. Enfin, nous. Je vais arrêter de parler. Je vais laisser les autres. Tu vas rattraper ta bière. Voilà. Ouais. Tiens, regarde les Morning Musume sur No Life. No, chute, chute, mais... pas de marque. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à leur donner d'âge, et c'est ça peut-être ça le problème. Pas très parlé. Ouais, mais là-bas, c'est où là, c'est légal à quel âge? 18 ou 21? Je sais pas, 21, je crois. La majorité sexuelle, c'est 16 ans en Russie, alors au Japon. Ouais, mais en France. Hein, au Japon, c'est 13. Hein. Ils aiment bien quand c'est jeune là-bas. Avec le lolicon et si tout. Si c'est avec un poulpe, c'est 12. Ah, le poulpe de 12 ans, t'as fait du bon poulpe. Et quoi? Pourquoi tu me pointes? C'est toi qui présente. Hein. C'est à ton tour, je pense. C'est à toi de parler. C'est à moi? C'est à toi. Ben, c'est toi qui présente. C'est à toi de présenter le quiz de Zertov. Ah! Oh. Il était plus, il est en train de finir sa bière. Mais non, mais il a pas l'habitude. C'est vrai qu'on a changé un petit peu de formule du coup. Bon ben non, on va passer à. C'est à Zertov qui va nous faire un petit quiz sur. Alors c'est ISO comme la bière. 4. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un quiz en mode rush. Exactement. D'accord. Voilà. Okay. Cherchera. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisse. Voilà, qui est faite pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Dire que je serai au Japon pendant ce podcast. Ouais. Et en fait, c'est un quiz 1664 parce que en fait, j'avais pas d'idée de quiz. Alors j'ai tapé quiz sur internet. Ah bravo! Et je suis tombé sur 2-3 sites avec des listes de quiz. Ah! Donc on va voir votre. Plus malin que nous. Votre niveau de quiz. Votre niveau de quiz. Donc c'est vraiment large. On va faire du dessin animé, du personnage de manga, des citations de pub. Est-ce qu'il faudra prendre des Jojo Pose? Ah bah si tu veux, tu peux toujours. En audio c'est un peu compliqué, ouais. Les choses. Ça rentre pas très bien pour celui qui nous écoute en fait. Hein. Le poditeur. Le poditeur. Oh, on est malin. Donc on va commencer par un personnage de manga. Si je vous dis jeune ninja vivant à Konoha. Proposition, il y a trois propositions. Ah. Susuke Uchiwa, Naruto Uzumaki ou Shikamaru Nara. On dit Naruto. Bah moi aussi. Pareil. Bah oui. Forcément. Jeune ninja. Mais c'est quoi cool, le dernier, c'est dit quelque chose. Ça, c'était la première question. C'était facile. C'était la. Oui. La question bonus. C'est la question bonus parce qu'en fait, ce que je vous dis pas, c'est que moi, j'ai des images qui montrent le personnage. Ah d'accord. En plus. Du coup, faut pas que je regarde. Moi. Donc du coup, faut pas que tu regardes. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu tourné en plus. Donc, ouais, mais j'y vois là. Si je regarde, j'y vois carrément. Hein. Okay, donc il est habillé comme un gars de la DDE. Voilà. C'est il est habillé en orange. Avec une écharpe à ce CIA. Ah. Question numéro 2. Toujours. On va voir si qui se passe. Lycéen utopiste surnommé Kida. Light. Yagami. Mir. Yagami. Light. Pour Misa Name. C'est Yagami Raito. Raito. C'est pas Misa Misa. Misa. Donc, ça vient de Death Note. Le premier c'était du coup de. Lowliet. Oh merde, j'ai spoilé. Quoi? Bye vous. Ce jeune pirate rêve de découvrir le trésor de Goldie Roger. Après 454 épisodes. Non, attends, je l'ai dit. T'es plus à 700 là. Ouais. 450, c'est le nombre de tomes. Ouais. Est-ce que c'est Roronoa Zoro? Oui. Oui. Sanji? Ah oui. Ou Monkey D. Luffy? Non, c'est les trois. Je connais pas celui-là. Bah, ils sont tous les trois dans l'équipage. Ouais, ouais, mais il y en a qu'un qui veut. Ah, mais c'est jeune pirate, ouais. Les trois dans un bateau. Ah, ouais, donc les autres ils sont vieux en fait, c'est ça? Bah, l'autre il veut devenir le meilleur épéiste hein, et Sanji c'est le meilleur cuisinier ou découvrir la mer, la mer bleue ou un truc. Oui, pour avoir le poisson le meilleur. Ouais, c'est ça. Ah, tous les gens qui lisent des mangas, c'est. Ouais. Jeune joueur de football très doué. Olive. Non, c'était top. Olivier Hatton, Bruce Harper ou Bruce Wayne. Bernard Arthur. Lenders. Bernard Harper. Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Pour Olivier Hatton. Olivier Tom. Olivier. Non, c'est pas maintenant Coucou Circus. Ah merde. Coucou Circus. Attends deux semaines. Coucou Circus, ça va être pour la version détail. Ah, puissant guerrier originaire de la planète Vega. Oh! Vega! Sangohan? Oh. Sangoku? Ou Baddak? Bah, c'est. Sangoku? Ouais, c'est Goku. Mais non, c'est la planète Vegeta en plus. Oui, de la planète Vegeta. Ah, t'es déjà dit Vega, moi. Oui, il a dit Vega, mais. Ah, oui, non, mais. De la planète vegan! Non, mais c'est la deuxième guerre, c'est pour ça. Alors, la planète vegan. Les végans, les végions. Les végions, j'allais le dire, merci. Donc, du coup, votre réponse? Il suce des cailloux. C'est Sangoku. C'est la double. C'est juste les cordiers. Sangoku, Senshin, du Wakening, Ketsuka. Donc, c'était bien Sangoku. C'est bien, c'est que des trucs que j'ai pas vu pour l'instant. À part Death Note. Ouais. Il possède un étrange pulse en forme de pyramide. Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est Yugi Muto, Seto Kaiba ou Mobuka Kaiba? Ouais, c'est mon petit frère quoi. Yes, c'est Yu-Gi-Oh! C'est Yu. Non, c'est Yugi Muto! Parce que le papy il meurt dès le premier temps alors. Il meurt pas. Ah bon? Ah non, il est malade! Il meurt pas. Et puis après il se fait capturer par Pegasus. Ah oui, c'est vrai. Dans la cassette vidéo. Ouais. La VHS. Ça prouve que ça date. La VHS du monde des ombres. C'est ça. Sauve-moi. Il est capable de communiquer avec des esprits. Raël. Kisuki Urahara. Urahara. Sado. Scarlett. Ohara. Non, Yosutora. Ou Ichigo. Kurosaki. Ichigo. Bleach. C'est Ichigo, c'est 400%. Non, c'est Bleach, c'est pas fraise. Ça s'appelle quand même fraise, le mec. Ouais. Et il est roux. Il est roux. Ses parents ne l'aimaient pas, quoi. Franchement, pire. Né dans un. Ils ont vu qu'il était roux, il fait hop. Né dans le village de Rizambul, ce personnage a les talents d'alchimiste. Rizambul magique ? C'est un alchimiste en manga. Un alchimiste qui est né dans un petit village. Est-ce que sa mère est morte ? S. Alphonse Elric. S. Edouard Elric. S. Roy Mustang. Mais là, il y a une double réponse là. Ah. Moi je dis que s'il est né à Rizambul, c'est qu'il était pour le truc de sur M6, le téléachat, la boule magique. Alors attends, je cherche la boule magique. Boule magique. Veuillez combler s'il vous plaît. Bon. Ou sinon il y a ça. Boule magique. La boule magique. Mettez à l'intérieur la boule magique, la boule de la page, notre boule magique. Voilà. Donc du coup... C'était les frères Elric, mais lequel tu veux ? Alphonse. Ah, ça en rapport avec l'image que je vois. Edouard. Ah, bah Edouard. Edouard. Bravo, c'était Edouard. Bah oui, Alphonse, c'est une armure, c'est pas un garçon. Ouais, mais à la base, c'est quand même un petit bonhomme. Eduardo Elric. Eduardo. Alors, il rêve de devenir un puissant Thor. Alchimiste. Un puissant Thor. Maître Pokémon. Oh, S. Sacha. Sacha. S. Pierre. S. Paul. Jacques. Mais j'ai pas Jacques. C'est un Pokémon ou des Pokémouilles? Des Pokémouilles. Ah bah, c'est Sacha alors. C'est Sacha. C'est Sacha. Du Bourg-la-Palette. Jeune détective. L'Espifouette. Jeune détective talentueux. Conan. Ah, Conan. C'est le jeune détective. Ranouri. Conan Edogawa. Edogawa. Conan Mori. Ah, c'est détective Conan, mais je crois. Est-ce qu'il précise le nombre de tomes ? Parce que là, on est au tome 666, je pense, déjà. Bah, on est au tome 90, je pense, à peu près. Et il a toujours pas trouvé pourquoi il était redevenu un petit garçon. C'est ça le pire. Le type, il s'envole de l'histoire des débuts. Bon, on fait des énigmes, ce soir. Osef, Staline. Staline. Donc du coup votre réponse? Edogawa, Conan Edogawa. Edogawa, Edogawa. Ouais. Oh, c'est ça, non? Je l'avais lu moi, mais j'ai lu les 4 premiers, mais après j'en ai eu marre. Et... j'ai vu le dessin animé quand j'étais petit. Ah ouais. Et c'est pas passé sur France 3. C'est qui? Là, c'est Conan. C'est Conan Edogawa. Oui, c'est lui. Non, plus du bois. Si, c'est ça. Ah. Moi, c'est pas grave. Je te dis la réponse, c'est ça. Ouais, merde. Le monsieur, il te dit, c'est la bonne réponse. Il vient en aide aux jeunes délinquants. Est-ce professeur Shirakawa? Est-ce professeur Onizuka Sensei? Non. Ah. Takeshi? Ou est-ce professeur Mizutani? Viens en défense. Takashi Kitano? Ou Takashi fait partout? Délinquant. À la délinquance juvénile ou... Je sais pas. Autre. Je sais pas, c'est vague quand même. Vague. Ondule avec tes bras. Au prochain coucou sur Cus, on va rioler. Aucune idée. Est-ce que tu peux nous mettre sur la piste du monde? Il porte un imper bleu, parce que l'image est toute bleue, avec des lunettes et une cravate. Bon, c'est mignon. Tu as des lingas, c'est merveilleux. C'est édité chez Saka, en France, sur la pochette. Tu vois l'image là? Non, même de gueule, il me dit rien. Il connaît pas. Bah, c'était professeur Mizutani. Voilà. Pour votre culture personnelle, ce personnage, c'est professeur Mizutani. Mizutami. On sait d'où il vient ou pas? Mizutami beaucoup. Ça vient de blessures nocturnes, je dirais. Mais je vois pas le nom. D'accord. Fit Gumi. Bah encore. Ah. Allez Gumi. Allez Gumi. Grâce à sa toupie, il affronte des adversaires de taille. Cho-Oh, Beyblade. Est-ce que c'est... Je sais pas comment ils ont... J'ai jamais vu Beyblade. Jinka. Jinka, ouais. Est-ce que c'est Kenta? Est-ce que c'est Ryuga? Je dirais le premier. Aucune idée. Tu dis le premier? Ouais. Comme ça? Ouais. Après, c'est, c'est quoi? C'est la première saison, ça? Je sais pas. Si, ils en ont fait tellement des Beyblades aussi, c'est comme les Yu-Gi-Oh maintenant. Ouais, après ils font des combats de toupies en moto. Pour donner un indice, ils portent un bandana bleu. Mais c'est le premier. C'est les premiers, je crois. Mais c'est bien Jinka. Quand même, les combats de toupies, ça fait vraiment plutôt du puceau. Yu-Gi-Oh, après, c'était les Xexal, où ils étaient dans l'espace. C'est vrai. Ah je les ai pas vus, mais. Je sais pas, moi je me suis. Ça donnait pas envie. Ça vraiment pas envie. Non. À loin. Allô, ce personnage voue une grande passion pour la boxe. Hippo. Ouais. Lita, le sodomite. Hippo, Ichi, Moto. Do you know Hippo, Lita, c'est Yu-Gi-Oh! Arc V, mais je sais pas qu'est-ce que. Arc V. Mais il y en a un nouveau qui va sortir Makunachi. Encore dans le film là. C'était Hippo Makunachi. Ouais. Putain, cette dizaine de merde! Il y a encore du Yu-Gi-Oh! Qui va sortir cette année là. En fait, le dessinateur, il a fait plein de croquis, il a fait « Démerdez-vous pour les designs, pour les designs génériques. » Avec des coupes de cheveux. Ouais. Tuning. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la série Yu-Gi-Oh! La série abrégée. Bon, qui est peut-être un sous-titré français, je ne sais pas sûr. Si, les premiers épisodes, en tout cas, oui. Et qui est bien rigolote à regarder. Ouais, si vous voulez pas vous emmerder à regarder les 500 épisodes. Voilà, la série abrégée est vraiment drôle. Et dans le même style, il y a la série abrégée sur les Chevaliers du Zodiac. Oui, qui est vraiment française. Ça, c'est mythique. Ça, c'est mythique. Et je crois que c'est lui l'auteur qui sera au TGS. Ah bon où, en tout cas, il est venu lors d'une précédente édition. Il ressort des, oui, il ressort des vidéos en ce moment. Il a créé une nouvelle chaîne sur les Marvel. Voilà. Marvel. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer que Captain America il meurt mille fois, il revient mille fois. Chut, pas de spoil. Magicien qui possède un surprenant château ambulant. Mm-hmm. Trigon. Non. Kenji. Est-ce que c'est Ouru? Ouru. Est-ce que c'est Takeo? Est-ce que c'est Calcifer? Je suis sûr que c'est le premier. Ça n'y a rien. C'est pas Ouru? Je connais pas. Mais du coup, j'ai une image de ce. Ça me dit tellement rien que ça me dit rien. Et c'est bien Aoulou. Aoulou, Bobo, le personnage du Château Ambulant. Voilà, exactement. Très très bien. Gigi. Bon, là, je vais pas participer parce que j'ai vu l'image. Elle découvre un monde peuplé de créatures mythiques japonaises. Oh, bah, c'est. Chihiro. Shishiriba. Shihiro et Shiriba. Et bah, c'est la bonne réponse, c'était bien Chihiro. Du coup, ils ont découvert les films Ghibli, donc du coup, on va faire plein de quiz avec. Alors, on passe maintenant à un quiz. Un objet égale un film Disney ou Pixar. Oh, Policix. De la même façon, j'ai une image, mais je vais juste vous poser la question. D'accord. C'est très bien. Quel film d'animation Disney ou Pixar vous inspire cette pomme? Ah, une pomme. Blanche-Neige. Mais non, c'est Jack et le Haricot Jaune. T'es sûr de ta réponse? Je sais pas. Et tu dis quoi? Une pomme, je dirais Blanche-Neige aussi. Ouais. Je vois pas d'autres pommes. Dans les propositions, on a Cendrillon, Blanche-Neige et les Sept Nains, ou La Belle au Bois Dormant. Sans du fion, pour ses 20 ans. Blanche-Neige. Mulan. Pas dans les propositions. Cusco. Non, ça sera pour après. Empereur Mégalo. Donc du coup, c'était bien Blanche-Neige et les Sept Nains. Les Sept Mêmes. Blanche-Fesse et les Sept Mêmes. Seven Warrior qui sort la semaine prochaine aussi avec Blanche-Neige et les Sept Guerriers. Mais elle est morte. Quel film vous inspire ce plat de spaghetti? Ah, Garfield. La Belle et la Bite. Mais non, la Belle et le Clochard. Oui, voilà, La Belle et le Clochard avec les deux chiens. Ouais, La Belle et le Clochard Clos. Dans les propositions, les 101 Dalmatiens, Rox et Rookie. Ouais. Tu partes à la chasse, chasser le canard. Et Mulan. La Belle et le Clochard. Et Mulan. Réponse B, Mulan. Réponse E. Donc c'est bien La Belle et le Clochard. Quel film vous inspire cette rose? Rose. La Belle et la Bête. Une rose. Ah oui, La Belle et la Bête, exactement. The Beauty and the Beast. Avec Emma Watson. Oh god. Oh god. Donc dans les propositions, on a réponse. Non. On a pas réponse comme réponse. Réponse A, réponse. Réponse B, réponse. Non. La Belle et la Bête ou Wall-E. Wall-E. Wall-E. Quel film vous inspire cette armure? Bah, la bête. Full Metal. Non, c'est pas ça. C'est Disney ou Pixar? Une armure. Pixar. Oh, je sais pas. Les nouveaux héros. Les nouveaux Nero. Vous voulez les propositions? Shrek. Non, Pixar, non, c'est pas Shrek. Non, vous voulez les propositions? C'est Dreamworks. Dreamworks. Oui, vas-y, on va les propositions. Cusco, l'empereur mégalo. Non. Hercule. Je t'encule. Mulan. Oh, Mulan. Moi je dis Mulan parce que Mulan. Mais regarde, bon. Hercule, hein. Moi je dis Mulan parce que pas Mulan. Il a l'armure dans Hercule, il est à poil. Enfin, il a peine un pagne. Bah si, il a quand même un plastron de... Ouais. Ah, un plastron. En bronze. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Il se tapait les noms. Du coup Hercule. Non, Hercule, je t'encule. Non. J'en ai aucune idée. Lui, il a dit Mulan. Et Mulan. Elle dit Mulan parce que Mulan. C'est la troisième fois qu'on dit Mulan. Il marque un point. En fait, Mulan, c'est la mer noire. C'est la mer noire. Moi, je vais finir ma bière et je vais aller faire un arrêt pit stop. Hein, mais je continuerai sur moi. Bière noire, pour le coup. Mais non, faut attendre. Attends-moi la fin du quiz. Je peux pas. Quel film vous inspire cette chaussure? Cendrillon. Ouais. Moi, je vote pareil. Tu votes pareil? Je dans les propositions, pas. Cendrillon. Blanche-Neige et les sept nains. La Belle au bois dormant. Cendrillon. Et c'était Cendrillon. Ah, un petit peu plus difficile. Quel film vous inspire cette trompette? Une trompette, hein. Une trompette. C'était pour bien qu'il l'égoutte dans son verre et qu'il finisse de la boire comme il faut. Je sais pas. Vous voulez les propositions? Ouais. Les Indestructibles? Non. Lilo et Stitch? Peut-être. La Princesse et la Grenouille? La Princesse et la Grenouille. Par déduction? Oui. Quel film vous inspire cette carte à jouer? Carte Captor Sakura. Ouais, aussi. Disney ou Pixar? Ouais, mais Disney ou Pixar, attends. Une carte à jouer? Ouais. Sans l'image, c'est pas ça, là. Ah oui, mais. Faut que tu penses Disney ou Pixar. Donc ça réduit quand même assez. Ouais, mais c'est pas là où je domine dans ma. Dans ta culture. Culture personnelle. Non. Oh. Bon, on voulait propositions. Cards. Cards. Alors, du coup, je répète pour Gandalf. Quel film vous inspire cette carte à jouer? Non. C'est pas ça. Donc, Cards, Alice au pays des merveilles, non. Volt, Star malgré lui. Moi, Alice au pays des merveilles. Moi, je dirais Alice au pays de Mauve. Ah oui, le lapin. Parce qu'à la fin, il y a la dame de cœur. Je sais pas quoi. Ah oui, la dame de cœur. Dame de cœur. C'est la carte de la dame du cœur. Fallait le trouver. Alors, quel film vous inspire cet arc? Un arc. Rebelle. Ouais. Ou Robin des Bois. Robin des Bois. Dans les propositions. Rebelle. Ouais. Tarzan. Ouais. Le Roi Lion. Ah, le Roi Lion. Le Roi Lion, je suis sûr. Je vois comment Simba dit PAC Obi-Wan Kenobi. Quel film vous inspire ce manteau de fourrure? Les 101 Dalmatiens, ouais. Gandalf. Moi je dirais Mulan. Monstre et compagnie. Il a vu un film. Mulan. Monstre et compagnie. Frère des ours. Ou les 101 Dalmatiens. Moi je peux vous dire que le film Mulan il m'a débridé. Lequel film? Quel film vous inspire ce couvre-chef? Chef. Un couvre-chef, hein. Ratatrouille. Ratatrouille, ouais. Peut-être, hein. Sauf si c'est le chapeau magique d'Harry Potter, donc c'est Harry Potter. Non, Disney ou Pixar? C'est pas Disney ni Pixar. C'est bon, marrant. Votre Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enculeur. Parce que le petit prince. Vous voyez les propositions? Ouais. Ouais. Ratatouille, le monde de Nemo, les Aristochats. Oh, les Aristochats, connus pour leur chapeau. Ratatouille, ouais, du coup, je meurs. Moi je dis Aristochat parce que c'est connu pour le chapeau. Bubu. Tu perds. C'était Ratatouille. Quel film vous inspire cette épée? Excalibur. La légende du roi Arthur. Taram et le chaudron magique. Mais oui. Donc en proposition, nous avons Toy Story, Hercule, ou Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enculeur. Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur. Ça, c'était pas Taram. Non. Machouillé, crachouillé. Quel film vous inspire ces ballons gonflables? Là-haut. Oui. Donc, hop. Réponse. Hop. Là-haut ou la petite sirène? La petite sirène. La petite sirène. C'est évident. Donc c'était bien là-haut. Et ces grosses blouruches. Quel film vous inspire cette lampe à huile? Adam. La Belle et la Bête. Aladdin. Le Roi Lion. Aladdin. On avait donc Aladdin, Taram et le Taram et le Chaudron Magique. Ah non, c'est le livre La Jungle. Le livre de la jungle. Je suis sûr qu'à un moment Balou il... il tape dans la lampe. Ouais. Tabzi dans le fond, je plairais à reconnaître. Une poids ta mère. Tape dans le fond de la lampe, je suis pas tendu. Quel film vous inspire ce chapeau? Ah. Ah, c'est pas un monoforme. Encore un chapeau. Le chapeau. C'est compliqué un chapeau. Ouais. Vous voulez les propositions? Bien sûr. Merlin l'Enchanteur. Anastasia. Enfin, Fantasia, moi je dis. Tarzan. Robin des Bois. Basile le détective privé. Moi j'ai envie de dire Basile le détective privé parce que c'est mon film de l'amour. Est-ce que Basile le détective privé, je le connais pas. Ah, ouais, mais dans les moi deux, je dis Basile le détective privé parce que c'est le film de l'amour. Bon, après moi c'est celui que j'aime le plus. Du coup, Wish. Mulan. C'est pas dans les propositions. T'as perdu. Donc du coup, c'était Robin des Bois. Voilà. Robin des Bois dernier. Quel film vous inspire cette cloche? Quasimodo. Quasimodo. Fantasia. Les aventures de Bernard et Bianca. Ouais. Ou Le Bossu de Notre-Dame. Le Bossu. Il est venu le temps des cathédrales. On va voir si vous avez de la culture. Ah bah oui, on a. Quel film vous inspire cette poêle à frire? Pinch. Une poêle à frire. Bah, réponse. Oui. Tu bah oui, du coup, je vais dire réponse aussi. Bah. Réponse. Rebelle ou Ratatouille? Réponse. Moi, j'ai envie de dire Rebelle parce que je crois qu'à un moment, mais je suis pas sûr. Mais je sais qu'à un moment. Bah, entre les deux, ouais, je vais dire ça aussi. Ouais. Et effectivement, c'était réponse. Il se bat avec une poêle à frire. Oui. Bah, si c'est pas Pitch. Quel film vous inspire ce chapiteau de cirque? Oh, un gros chapiteau. C'est Dumbo. Dumbo, ouais. C'est Dumbo. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Bambi. Pinocchio. Ou Dumbo. Pinocchio, ça me fait rire. Bambi. Ils ont tué Bambi. Quel film vous inspire ce crochet de pirate? Ah, Peter Pan. Le Roi Lion. Pan, pan. Peter Pan. Peter et Elliot le Dragon. Peter et Steven. Peter Pan. Ou Atlantide, l'Empire perdu. Peter Pan. Peter Pan, pan. C'est des trucs quand même assez faciles. Hein. Même jusque là, tout va bien. Peter Pan. Quel film vous inspire ce pot de miel? Bah, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Chicken Little, Frère des ours. Winnie l'ourson. Putain, Chicken Little, oui, bien sûr. Quel film vous inspire cette tante indienne? Mulan. Non. Pocahontas. Est-ce que c'est une tante rouge? Yakari. Et petit honneur. Yakari. Yakari Kané. Donc, Cusco, l'empereur mégalo, le roi lion, ou Pocahontas, une légende indienne? Pocahontas, parce qu'elle se tape un type avec un nom maximum random, John Smith. Peut pas faire plus random. John Doe. Ouais, John Doe, voilà. Alors, John Doe peut pas faire plus random. Allez, on va faire les morts violentes chez Disney. Ah, parce que oui, la mère Bambi, hein. Il y en a. Et t'as pas mis la musique de Link the Sun sur les morts de personnages de Disney? Non. Parce que les YouTubers. Ah, mais quand même. Les You ont tué. Donc, première question. Quelle est la fin tragique de la mère, de la maman de Bambi? Elle est tuée par un chasseur. Le chasseur, pan, pan. Le chasseur lui tire dans le cul. Dévoré par des loups, tué par des chasseurs, ou emporté par un torrent en furie? Tu parles des chasseurs. Les chassous. Les chassous, c'est des bâtards. Le putain de hunt. Comment disparaît la méchante sorcière de Blanche-Neige et les sept nains? Elle tombe dans un puits et ça devient The Ring. Non, elle a pas les mêmes cheveux. Ah merde. Puis elle est un peu plus vieille. Comment disparaît? Elle vieillit d'un coup. Alors, les propositions? Ouais. Empoisonnée par une pomme. Empoisonnée par une pomme, pardon. Précipitée du haut d'une falaise. Ouais. Transpercée par la lance du prince charmant. Non, c'est précipitée d'une falaise. C'est la nez qui la font tomber. Avec le tonnerre derrière et tout. Il me semble aussi que c'est la bonne réponse. En fait, elles sont enculées par 7 nains. Par 7 nains. 7 nains d'un coup. Et en fait, les nains, ils sont pas proportionnels de partout, donc ils souffrent énormément. Comment disparaît le méchant capitaine Crochet dans Peter Pan? Peter Pan, il tombe dans le crocodile, avec celui qui s'appelle l'horloge. Tic-tac. Tic-tac. Donc, poursuivi par un rocher, tic-tac. Poursuivi par un crocodile. Entraîné dans les bas-fonds par l'encre marine de son navire. Avalé par une baleine. Avalé. Parce qu'avalé, c'est libre. Le croco. On va rester sur le croco. Bien sûr, c'est le crocodile. Ouais. C'est le croco. C'est tic-tac. Alors, juste 2 calories. Comment disparaît l'ignoble Frollo, et pas Frodon, dans Le Bossu Notre-Dame? Je l'ai pas vu. Il est excommunié. Ah, je sais plus, je me rappelle plus. Il tombe pas de la cathédrale? Ouais, il tombe. Parce que c'est très symbolique. Les réponses sont, que je retrouve, écrasé par la cloche de Notre-Dame, précipité du haut de Notre-Dame, lynché par une foule de gueux. De gueux. Moi, je donne les gueux parce que moi, je suis pour le populisme. Il est précipité du haut, puis lynché par une foule de gueux, et à la fin, il y a une cloche qui tombe sur la gueule. Ça se tient. Il reste que des morceaux à la fin, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire une foule de gueux. Une foule de gueux pour toi? Parce que pauvre c'est gueux. Parce que gueux, c'est mon rigolo. Moi, je pense qu'il saute, enfin qu'il est précipité. Qu'il est précipité. Ou la cloche, je sais plus. La réponse D. La réponse D, Mulan. Oui. Toujours. C'est Mulan qui l'a tué. Ouais. Avec une flèche. Et ben non, il est précipité du haut de Notre-Dame. Ah. Parce que ça se voit pas, parce qu'il y a des petits nuages et du coup on peut cacher la misère. Non, non, on voit bien qu'il tombe. Hein mais oui, mais il tombe dans du feu après. Ah oui, c'est vrai. Dans du fuego. Ouais. Quelle est la fin tragique de Mufasa, le papa de Simba, dans le royaume? Il se fait écraser par une troupe de taureaux ou de bisons. Il se fait piétiner par des chèvres. Des bêtes à cornes. Des bêtes à cornes, des cornues. C'est ça. Par Satan. Donc, Satan vers zéro. Il est poussé d'une falaise, puis il est piétiné par un troupeau de gnous. Des gnous. C'est ça. C'est des gnous. Tué par des chasseurs. Non. Vaincu par la femme Scar dans un combat à mort. C'est les gnous. C'est les gnous, parce que l'autre c'est un espèce de bâtard. C'est les gnous. Ce bâtard. Comment disparaît l'infâme Scar dans le royaume? Tu l'as déjà fait? Mais non, Scar. Non. Là c'est comment. Ah oui, c'est vrai, Scar. Pardon. Il se fait buter par Simba. Il se fait bouffer par Saiyan. Hein. Tombe pas dans la lave ou je sais pas quoi, dans le feu ou je sais pas quoi. Il est précipité du haut de Notre-Dame. Vous voulez les propositions? Ah ouais, ça va être trop bête. Piqué à mort par des fourmis rouges. Non. Dévoré par des hyènes. Non. Je l'ai dit, mais c'est pas ça. Écrasé par un troupeau d'éléphants. C'est pas les hyènes qui le mangent? Ça doit être Saiyan, du coup. Ouais. Pas qu'elle mange. Hein, parce que... Non, mais il me semble si, que... Si, il est trahi, à la fin, il dit... Ah ouais. Si, il dit, oui, de toute façon, les gens qui bêtent, c'est des couillons, ou je sais pas quoi, et après, il le bouffe. Exactement. On le voit pas bouffer, parce qu'on voit juste l'ombre. Mais on voit qu'il s'est bouffé par les hyènes. En fait, il s'est enculé par les hyènes. Et après, il a le trou de balle en ébullition. Ensuite, comment disparaît la méchante fée maléfique dans La Belle au bois dormant? S'endort. Est-ce que vous voulez les propositions? Ouais. Oh. Dévoré par un dragon. Mmh. Transpercé par le prince. Ou transformé en rat. C'est le prince Philippe. C'est... T'es sûr que c'est? Je sais où tu te caches, mais ici que je te bute, sans enculé. Je sais que je te bute, enculé. Sans enculé. Salaud! Viens ici, sale enculé! Salaud! C'est comme ça dans le Disney. C'est, ouais, en tout cas, c'est. C'est les dialogues originaux. Ouais. C'est donc du coup votre réponse. Philippe. Ah oui, Philippe. Philippe. Ouais, c'est ouais. Philippe. Ouais, c'est bien. Hein. C'est l'enculé. Tiens ici, sale enculé. Ouais, comment on... Non, mais c'est quand même dommage comment on réduit les gens qui sont passifs. Quoi ouais, à des enculés, non, mais c'est dégueulasse, moi je trouve. On ne respecte pas assez l'enculeur et l'enculé. Non, c'est sûr. Comment disent pas le méchant docteur Facilier dans La princesse et la grenouille? Putain, ce film, ça avait été une détresse, mais psychologique. J'avais amené ma soeur, elle était toute petite, puis là, mon cerveau, je drop de mic. Ce film était trop horrible. On aurait dit Aladdin, mais pas pareil. À la 2. Aladdin, mais avec. Avec Kevin Adams. Avec Kevin Adams. Oui, donc du coup, à la 2. Ils vont faire un Aladdin 2. Ah oui, d'accord. Bah, donc, ça va bien marcher. Malheureusement, des jeunes sont allés voir ça. Comme le 1, j'irai pas le voir. Hein. Donc, il est mouru, dévoré par un crocodile. Je crois que c'est ça. On parle de quoi déjà? Le docteur Facilier de La princesse et la grenouille. Donc, dévoré par un crocodile, transformé en grenouille. Emporté par des esprits vaudous. De toute façon, moi je dis réponse D parce que c'est un noir. Donc en fait, il est attaqué par Marine Le Pen. Ouh, alias Mulan. Alias Mulan, non, réponse D, moi je dis. Je crois que c'est des vaudous. C'est des vaudous. Mais est-ce que c'est des voodoo child? C'est des vaudous aussi. Il me semble que c'est les vaudous. C'est bien des vaudous. C'est des vaudous. Comment disparaît le méchant Gaston dans La Belle et la Bête? Déjà, Gaston, déjà, c'est pas de l'âme. Déjà, c'est pas un nom de méchant. Mais est-ce que Gaston, il y a le téléphone qui sonne? Non, mais de toute façon, il n'y a jamais personne qui répond. Ah, d'accord. Alors bon. Ah. Moi, je pense, que je pense que Gaston, il meurt comme. Comme un con. Non, comme un président de la 4ème République qui se fait sucer puis il meurt. Est-ce que vous voulez les propositions? Ouais. Transpercé par une flèche en plein cœur, précipité du haut d'une tour, poignardé par la bête. Non, moi je dis, toujours c'est la hauteur. La hauteur, ça tue tous les méchants de chez Disney. C'est pas la bête qui le tue parce que la bête c'est le gentil. Hein. Ouais. La bête il va pas le tuer. Alors, en fait, il tombe. Moi je une comprends, flèche, il tombe. Mais une flèche de qui? Parce que la hauteur, en fait, il y a une symbolique derrière. En plein cœur. Il a pris une flèche de Mulan en plein cœur. Voilà. Est-ce qu'elle en avait marre? Parce qu'il y en a marre. Oh, Street Fighter 4. Street Fighter 5. Donc, du coup, votre réponse? Il tombe de haut. Je l'ai vu qu'une fois celui-là. Je l'ai jamais vu. Donc, pour moi, il tombe de haut. Ouais, on va dire ça aussi. Pareil, tu t'alignes? Je m'aligne. Et bah, c'est bien ça. Précipité du haut d'une tour. Ça, c'est bien ça. Guy Lugamèche. Ouais, c'est sympa à côté d'un Guy Lugamèche. Comment disparaît la méchante Ursula dans La Petite Sirène? Elle s'est bouffée par le crabe. Elle se fait violer par une pieuvre. Ah, Sébastien? Ouais. Elle se fait violer par une pieuvre. Sous l'océan. Non! Prisonnière. Ah, des tentacules. C'était la voix d'un Salvador en plus. Oui. Prisonnière des tentacules d'une pieuvre géante, dévorée par une baleine, empalée par un pieu situé à la proue. Moi j'aime les trucs avec les pieuvres parce que après tu peux dire Yamete Kudasai. Yamete Kudasai. Et puis bon, vous savez, les trucs longs et durs, ça inspire. La baleine? La baleine. Moi je vais suivre Gandalf 81. La pieuvre, moi aussi. Donc la pieuvre, ouais. Donc deux pieuvres et une baleine. Ouais. Ah bah c'est con parce qu'elle se fait empaler. Empaler par la baleine. Ouais. Empaler par la corne de la baleine. Ah d'accord. Narwhal. Ah d'accord. Narwhal swimming in the ocean. Comment disparaît le méchant Clayton dans Tarzan? Il se fait bouffer par le gorille. Il doit tomber dans le mode d'arbre. Garogorille. Il tombe dans le mode d'arbre, je crois. Il tombe. Donc toujours mortellement blessé par un coup de fusil tiré par la guenon Chita. Chita. Ah, oui. Pendu à des lianes. Dévoré par des piranhas. Je crois que c'est dévoré par des piranhas. Ah, c'est débuté par Chita. C'est le plus violent, alors vu que c'est Disney, ça doit être ça. Ça quoi? Les piranhas. Les piranhas? Moi je dirais les piranhas aussi. Moi je dis Chita. Elle a cheaté. Eh bien, c'est faux. On a encore tout faux. Ouais, pendu à des lianes. Merde. Mais c'est pas drôle. Mais alors, est-ce que Cheetah avec le fusil, elle fait un double jump? Un backslash. Double jump rotatif. Ouais. Voilà. Comment disparaît le méchant Jafar dans Aladdin? Bah, il disparaît pas, puisqu'il y en a un deux. Ah, oui. Marine Le Pen, elle renvoie un charter dans son pays. Mais il est déjà chez lui. Je veux dire qu'il le ramène chez nous. Elle le ramène chez lui. Chez lui. Dans le jeu ou... Donc, enfermé dans une lampe magique. Ah, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'il devient mordu génie. Par un serpent venimeux. Non. Et l'électricité a... Il n'y avait pas d'électricité à cette époque. Que la lampe noire soit tombée dans une lave en fusion. Non. Il n'y a pas d'électricité. Il est renvoyé dans sa lampe. Non, il est envoyé. Il est enfermé dans la lampe. Non, mais renvoyé, parce qu'en fait, il devient génie, en fait. Oui, mais du coup, il n'est pas renvoyé. S'il est renvoyé, c'est-à-dire qu'il est bien. Ah, mais lui, si, il vient de la lampe, déjà. Mais non, pas déjà pas. Si, il devient génie, à la fin. Oui, il devient. Ouais. Mais il n'était pas génie avant. Ah, oui, donc, voilà. Il n'est pas renvoyé. Il est envoyé. Il est envoyé. Et... C'est vrai. Attention aux mots, hein, parce que sinon je conduis avec une fourchette. Hein. Comment disparaît la méchante Olga Sinclair dans l'Atlantide? Pas vu. Elle se fait enculer si fort que les draps s'en souviennent. Précipitée dans le vide du haut d'une montgolfière, disparue dans l'explosion d'un volcan, tuée par un accident d'hélicoptère. Supercoptère ou... Supercopter, l'hélicoptère. Moi je crois qu'elle tourne dans un volcan. C'est très Disney tombé. C'est pas faux. Je sais pas. Ou te dire que les Landais, ils auraient peur, ils se filent même en leurs pif. Allez, au pif. On va dire qu'elle tombe. Eh ben vous avez raison. Elle tombe précipitée dans le vide du haut d'une montgolfière. S'ils avaient tous un baudrier, t'imagines? Tous les personnages qu'on aurait sauvés. Ce serait tout vivant, quoi. Et avec un mochaudrier. Tant. Ce podcast est bien trop long. Ouais, 1h30. Comment disparaît la méchante mère Gothel dans Réponse? Ah, je l'ai pas vu, parce que c'est de la 3D fuck. Je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Fuck la 3D, moi je dis. Elle est condamnée à mort par Pondaison. Elle est piétinée à mort par le cheval Maximus. Non, Maximus est gentil, voilà. Maximus. Elle vieillit à vue d'œil, oui. Tombe de la tour et se transforme en poussière. Oui, ah bah voilà, elle tombe. Elle tombe, c'est encore ça. Encore une fois. La chute. Parce qu'il y a de la symbolique dans la chute. Et oui. Comment est tué l'ours féroce dans Rebelle? Il tombe! Le papa de Mérida le transperce de son épée, écrasé par le chute d'un menhir. C'est la chute d'un menhir. La jolie rebelle lui tient une flèche en plein cœur. Il y a un menhir qui tombe. Ouais, et je crois que c'est un menhir. Je l'ai vu, mais je me souviens plus. J'ai pas vu, mais bon, j'avais pas vu. Qui tombe. Et bah effectivement, écrasé par un menhir. En fait, dès que ça tombe, c'est très Disney. On a compris, il faut qu'il y ait un truc qui tombe. Comment disparaît le méchant chef des Huns, San Yu, dans Mulan? Il tombe de la falaise. Il tombe de la montagne. À cheval. Enseveli sous la neige à la suite d'une avalanche. Il y a un truc qui tombe là déjà. Tué par l'explosion d'une fusée pétard dans la cité interdite. Vaincu lors d'un combat au sabre contre Chang. Je crois que c'est le... L'avalanche. Mais je crois que c'est le 2, parce que c'est à la fin, ça signe de la cité interdite. Je crois que c'est le 2. C'est le pétard. Je sais pas. Moi je dis avalanche. Avalanche, pétard. L'avalanche, c'est la neige qui tombe. On va suivre Asto alors. Tu vas suivre Asto si ça tombe. Dans la logique. Ouais. Eh bien, dommage. Eh bien. Non. Gandalf a raison. C'est bien tué par l'explosion d'une fusée pétard. Parce qu'en fait, le pétard tombait du ciel donc. Oui, c'est Mouchou qui l'allume. Ouais. C'est vrai. Comment disparaît le méchant Raguidan dans Basile Détective Privé? Il tombe, je suis sûr, il tombe dans les engrenages. Il se fait. Et comme dans l'état moderne, mais. Pas pareil. Alors, je vais vous dire les propositions, vous allez trouver de suite. Emporté par les égouts de Londres, dans un duel à l'épée contre Basile, une chute depuis l'horloge de Big Ben. Il tombe. À partir du moment où ça tombe, ça tombe. Et là en plus, il y a les engrenages. Non, c'est depuis l'horloge de Big Ben. Ah, mais il est carré, mon pote. Comment sont tués les parents de Tarzan au début du film? Tombe! Ah, il tombe d'une merde. Il tombe de l'avion. Et alors, il tombe de l'avion. Vous voulez proposition? Ah, ouais, parce que c'est très... Noyé dans le naufrage de leur bateau, dévoré par un léopard, tué par un ours. Non, un naufrage. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Il y a une histoire de vécu. Je sais pas quoi de bateau. C'est pas le léopard hein, qui le bouffe hein. Non, c'est pas. Non, c'est... Ils ont pas le temps de s'enculer avant. Ouais, va pour le naufrage. Ouais. On va pour le naufrage. Ouais. Non, ouais. C'est un navire qui tombe. Hein. Mais c'était les gentils. Et bah t'étais sur la bonne piste. Ouais, c'est bien ça, c'est le c'était léopard. C'était dévoré par le léopard. Puis après, c'est le méchant de la jungle. Et... Mais est-ce que léopard il revient? Bah non, léopard. Léopard, Léo. Léopard il revient. Ouais. D'accord. Je préfère. Comment Kokum, le guerrier fiancé, entre guillemets, à Pocahontas, meurt-il dans le film? Ça, je me rappelle plus, tard, par contre. Ah, il s'est fait buter. Est-ce qu'il tombe? Poignardé par John Smith au cours du magar? Non. Condamné à la pendaison par le gouverneur Radcliffe? Ah, c'est tombé, hein, se faire pendre. Tué par une balle d'un coup de fusil tiré par le matelot Thomas? Ouais. Je crois que c'est le dernier. Ouais. Tué par le matelot Thomas? Ouais. C'est ça qui déclenche la guerre. Et c'est bien ça. Ouais. C'est ça qui déclenche la bagarre ultime. Ouais. Comment périt l'horrible malfrat Sick dans Oliver et compagnie? Pas vu. Il tombe. Écrasé par un train. Ah oui, il est tombé. Chute mortelle du haut de la statue de la Liberté à New York. C'était une chute mortelle. Merde. Tué accidentellement dans l'explosion qu'il met dans l'explosif qu'il manipule. Moi, je dis deux parce que dès qu'il tombe, c'est ouais, c'est ça. C'est la chute c'est mortelle. Non, moi, je vais dire le train quand même. Tu dis le train? Ouais. Et vous deux la chute? La chute de la Liberté. Mais I love you. Et bah c'est écrasé par un train. Oh ah. Il aimait les trains. Chute, il est tellement tombé. Que les trains l'ont tué. Il est tombé du train. Il est tombé du train mais devant le train. Ouais. Pas derrière. C'était mieux. Quelle est la fin tragique de Ray, la luciole dans La Princesse et la Grenouille? Oh c'est triste. Elle est pas mangée par un crocodile ou... C'est triste ça, je sais plus. Gobée par un gros crapaud du bayou. C'est ça, je crois. Le méchant docteur Facilis l'écrase sous son pied. Si c'est ça. Meurt d'épuisement en essayant de rejoindre Evangeline. Elle meurt d'épuisement. Bien aimé. Elle meurt d'épuisement. Je crois que c'est le 2. Je... Non, c'est un meurt d'épuisement. Je l'ai pas vu. Ou je dirais la réponse D. La réponse D, Mulan. Voilà. La réponse E, dans l'œuf continue. Je dis qu'elle meurt d'épuisement. Meurt d'épuisement, donc du coup, épuisement. La 2. La 2, donc le méchant docteur l'écrase sous son pied. Ouais. Et Mulan. Voilà. Et la réponse est. Mulan, écrasé sous son pied. Merde. Ouais. D'ailleurs, un truc d'épuisement quand même, c'est quelque chose. On va changer de type de quiz. Putain, on n'avait pas fini en fait. Non. Ouais, je fais le dernier quiz. Voilà. Ah, parce qu'on est trop bourré pour. Alors, quiz, slogan et de publicité. Ah, oula. Je suis l'ami du petit déjeuner. L'ami du Corée. L'ami du Corée. Et est-ce qu'on passe toujours un bon moment avec le bon ami? Je sais pas. Donc dans les propositions, on avait Chocapic, Ricoré ou Krakinette. Krakinette, putain, des Krakinettes. Hein. On a tous à y gagner. Putain, merde. Je sais plus. Vous voulez les propositions? Ouais. SNCF, La Poste, EDF. On a tous à y gagner. La Poste, hein. Il me semble que c'est La Poste. Je vérifierai après parce que là du coup je l'ai pas fait parce que c'est réponse après. Ah. C'est que chiant, c'est... tu coches pas même. Jouer avec vos émotions. Française des jeux. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Ouais. La franchise des jeux. La franchise des jeux. La PMU ou le Monopoly? Ah peut-être le PMU. C'est peut-être le PMU. T'as dit quoi en troisième? Monopoly en troisième. Non. Donc, française des jeux, PMU. Pas le PMU, peut-être, ouais. J'ai un doute. On vérifiera après. C'est tout ce que j'aime. Ah, merde. Est-ce que c'est toute la musique que j'aime? Non. Elle vient de là, elle vient du blues. Je sais plus. Aucune idée non plus. Non. Je sache aussi. Pour vous aiguiller, restauration rapide. McDo. Ah oui, I'm loving it! McDo, Quick ou Burger King? Pour pas de pub, Burger King. Tu sais comment ça va en faire? C'est vrai. Ils vont commencer bientôt. Ce que la Suède a de plus croustillant. Chris Rolls. Les Chris Rolls. Chris Rolls, man. Ikea. Ah, mais non. Ikea, Chris Rolls ou Dain? Dain. Alors je note. Chris Rolls. Aïe, qui le tour? Ah, c'est le loto. Oui. Mmh. Ouais. Ouais, gros million. Oui. Le millionnaire, morpion, loto. Oh non, pas, le, pas les morpions, pas les morpions. Ça me rappelle des souvenirs. C'est frais ? Mais c'est pas grave. Kiss cool, kiss cool. Mmh. Avec Georges. Ouais. Il est frais, mais pas très pratique. Eh, t'as des points, toi. La pas. Ouais. Ouais. Pour grandir et s'épanouir. Ah, ça c'est... Play school. Non, ça c'est jouer à lire, grandir. Pas ça, play school. Mmh. Peut-être. Hein. Si. Ah, mais ça a changé il y a pas longtemps. En fait. Oui. Donc, proposition. Actimel, Petit Louis, Prince de Lu. Oh, bah, Prince PD, le héros du goûter. T'es pas trop PD quand même. Mais toi, tu veux que je m'arrange? Non. Donc du coup, votre réponse? Petit Louis, allez, ben. Brouillant, en fait. Prince. On verra. Prince, ouais. Prince aussi? Mmh. Je note Prince. En avant les histoires. Playmobil. En avant les débiles. Donc il y avait Playmobil, Lego Play. Ou Capla. Les mobilettes Peugeot. Playmobilettes. Elle sait faire du bon café. Grand-mère. Mamie Nova. Bonne maman. Grand-mère. Est-ce que Mamie Nova est un héros Marvel? Mamie Nova, oui. Mais pas Mamie Nova, d'accord. Donc, je sais plus. Grand-mère. Grand-mère, c'est fini. Grand-mère. Passé, Ouais, mais je me rappelle plus de ce qu'on dit. Alors, donc, les réponses. Donc, c'est bien l'ami Ricoré. Un patin, un bonbon. Je suis bien. Son pain et ses croissants. Ils sont gros. On a tous à y gagner. La poste. Ah oui. Jouer avec vos émotions. Donc, on avait répondu du coup à la Française des Jeux. Ouais, mais c'est PMU. Et c'est PMU. Ouais. PMU, PMU, ça pue. C'est tout ce que j'aime. C'est bien McDo. C'est toute la musique que j'aime. C'est que la Suède a de plus croustillant. C'est bien Chris Paul. C'est immeuble Ikea. À qui le tour ? L'auto. C'est bien l'auto. C'est vrai, mais c'est pas grave. C'est bien Kiss Cool. Pour grandir et s'épanouir. Prince. J'ai bu. Petit Louis, t'avais dit toi. Petit Louis. Et c'était Petit Louis. Oh ! Mais vraiment au hasard. Ouais. En avant les histoires, c'est bien le mobile. Et elle s'est fait un bon café, c'est bien une grand-mère. T'es mes grand-mères, elle est balèze. Allez, on va faire un petit dernier dans la peau d'un geek. Ça vous dit ? Vous allez trouver normalement. On est trop bourré pour comprendre. Pour un geek, ce mot signifie débutant. Noob. Donc j'ai débutos. Tuneur ou noob ? Noobes. Pire que le noob, on a le newbie. Le kikou. Le brutos. Le nerd. Ou le super geek. Quoi ? Le nerd. What ? What ? Ça veut rien dire. Je ne comprends pas la question. Pire que le geek, on a Le nerd. On va dire le nerd, mais ça n'a rien à voir. Mais oui. On va dire le nerd. Soit il est débutant, soit il est nul, à vous de voir. Newbie, nasty, nulo. Nasty, c'est quoi, c'est rouge? Non, c'est Zouichi. Nasty, nasty, c'est bleu. Niasty. Niasty. Nasty. Le Lipton, nasty. Lipton, nasty. Lipton, nasty. Donc, du coup, nasty. Nasty? Ouais. Mmh. Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas, on verra. On verra au final. Sur celui-là, on verra après. Si un geek vous dit Osef, cela signifie. On s'en fout. Staline. Ah, j'attendais Staline. Ça signifie qu'on s'en fout. Occupé. Ça fouette. On s'en fout. Ça fouette. Si un jour tu joues avec un geek à un jeu de tir et qu'il te tire dans la tête, il criera Headshot. Je vais au cabinet. Des balles. Bam, headshot. Headshot. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Hey, je t'ai eu. Je t'ai eu, je t'ai eu. C'est pas ça. Pire que le geek, pire que le nerd, on a le. L'otaku. L'otaki. No life. No life. Toby. Toby. Online. Bon, le no life, du coup. Bifrit. Si le geek excelle dans un domaine ou est très fort, on dira de lui que c'est un... Un geek. Un geek, oui. Un nerd. C'est un geek. Un roxor. Un roxor, si tu veux. Un bolos. Un gros bille. Ou un bueno. Un kinder. Et bueno. Un gros bille. Un roscore. Un roscore. Dans un jeu de... d'équipe de combat, si le geek veut attaquer un adversaire avec tous ses coéquipiers le plus vite possible, il criera Leroy Jenkins. En force. Mêlée. Rush. Rush. Rush middle. Mêlée. Rush à cover corniche. Rush mid. Une bande-annonce de jeu.geek est un... Un trailer. Une bande-annonce. Un teaser. Un trailer. Un playable teaser. Un court tragmé. Quoi? Un quoi? Un court tragmé. Parce qu'il y a un jeu entre le A et le M. Donc c'est un court tragmé. Est-ce que c'est quoi? Un trailer. Un trailer. Ou un clip. Un trailer. Un trailer. Un trailer. Un trailer. Un thriller. Thriller. Thriller. Si le geek et ses amis se rendent chez l'un d'entre eux pour jouer tous ensemble, ils font une LAN. Ils tirent à tous les coins. Leur rassemblement portera le nom de LAN. Une LAN partout. Boum. Fête du slip. LAN party. Oh, une LAN party. Ah, bah c'est la fête du slip aussi, hein, mais bon. C'est pour le geek, c'est pas la même type de fête du slip. Ah, du coup, les réponses. On a tout juste. Eh bah non. Ah. Donc, question 1, point geek. Ce mot signifie débutant. Noob. Noob. Pire que le geek, on a le nerd. Soit il est débutant, soit il est nul, à vous de voir. Ouais. C'est là où on a Dynasty, ça. C'est là où vous avez Dynasty. Dynasty, Warrior. Ouais. Ouais, mais c'était pas ça. Et c'est pas ça, c'est un newbie. Ah, ah d'accord. Après, c'est un quiz qui a été fait comme ça, quoi. Comme ça. Si un geek vous dit Osef, Staline. On s'en fout. Staline. On s'en fout, on y va pas. On s'en fout. On se cachera sous le tir dans la tête. Headshot. Headshot. Pire que le geek. Headshot. Qui est ici. Pire que le nerd. Qui est ici. On a le. Otaku. L'otaki. Le no life. Ah, le no life. No life. Donc, si t'es vachement bon dans un domaine, tu es un. Roscore. Roscore. T'es bon au lit. Ah, pardon. T'es un bon coup. Si on doit rejoindre des coéquipiers le Rush. Plus possible. Rush. Une bande d'annonce. D'un thriller. Un thriller. Et si un geek doit se rendre avec des amis chez eux pour jouer tous ensemble, c'est un. Une LAN. Mais ça n'existe pas parce que c'est pas possible. Si, on va en faire une bientôt. Ah ouais? Au boulot. Ah! Enfin, pas au boulot, mais avec entre collègues. Donc voilà pour mon au petit boulot, quiz récupéré sur des sites de quiz d'internet. C'était pas mal, hein? Ah, on a combien d'heures? C'était pas mal là! On a combien de siècles? 1h50, donc on va pouvoir conclure, je pense. Je crois qu'on a que d'habitude. Mais plus que beaucoup plus que. En plus, de toute façon, nos verres sont ouais. vides. Alors faut qu'on arrive sur un serveur. Voilà. Donc je pense qu'on va se retrouver pour la session 4.3. Et la musique. Et alors la musique, cette fois, c'est qui? C'est moi. C'est toi? C'est moi. Alors je ne sais pas. Alors du coup, non. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descends du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chante. Et on chante quoi? Ouais. On chante encore de la musique japonaise. De la musique japonaise de Sayuri, c'est l'ending de Erased. Erased. Oh, c'est raccord. C'est Sore wa Shisana Ikari no Yuna. C'est ça. Bon, Bokudake ga Inaimashi. Bon, Inaimashi. Du coup, on peut en profiter pour se dire au revoir et à bientôt. Et puis, dans un mois. Dans un mois. Dans le. Au revoir.